Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le Fantastic Cast, le podcast qui parle de cinéma fantastique. Comment ça va, Roman ? Ça va bien, on est content de revenir. On est toujours, surtout pour un sujet aussi dense et généreux, on va dire. Alors, quel est le sujet du jour, Roman ? D'autant plus que tu en avais parlé sur les réseaux, c'est toi qui gères notre merveilleuse communication. Alors, on vous avait demandé il y a quelques jours, slash semaines, slash mois, il y a quelques mois, ça fait longtemps. De quel film vous voudriez qu'on parle si on faisait un épisode dédié à Stephen King. Stephen King, auteur prolifique qui a été même encore plus prolifique au cinéma par ses adaptations. Donc les deux films que vous avez choisis et qui sont revenus en tête des votes étaient Shining et Misery. On a donc décidé de chacun s'occuper de l'affiche un peu d'un film, donc j'ai pris Shining, tu as pris Misery. J'ai pris Misery, effectivement. Et donc, quels autres films as-tu pris, Corentin ? Alors, moi j'ai pris... je vais pas dire que c'est des plaisirs coupables, je vais pas non plus vendre que ce sont des grands films, loin de là. J'ai pris donc Chambre 1408, qui est relativement connu de Mikael Alfstrom, et mon petit chouchou qui est The Night Flyer, qui est un film au pitch absolument merveilleux. Et toi? Et moi, du coup, je suis parti sur ce qui va être mon plus gros coup de cœur lié à Stephen King, mais qui n'est pas une adaptation de King, mm-hmm. à savoir Creepshow de George Romero. Qui est carrément des films préférés. Hein, c'est des films préférés. Et donc, qui est aussi la première et il me semble la seule fois que King écrit un film qui ne soit pas adapté d'un de ses romans. Je crois aussi. Oui, je suis à peu près sûr, je crois aussi. Et en autre film, alors celui-là, j'ai voulu le découvrir, donc c'est pour ça que je l'ai choisi. Non, Maxime Overdrive, c'est adapté d'un de ses romans. C'est adapté d'un de ses romans, il l'a réalisé en plus. Grand film. Les esprits. les avertis savent apprécier Maxime Overdrive. Ah, on se rappelle du distributeur de canettes. Le distributeur de canettes ou alors le camion avec la tête de bouffon vert qui est personnifié. Non, c'est génial, Maxime Overdrive. Et donc un film que j'ai voulu découvrir, que j'avais jamais vu avant, et qui est donc The Mist de Frank Darabont. Incroyable. Mais bah, ne spoilons pas plus. Alors, j'ai envie de te demander, toi, ton rapport à Stephen King, c'est quoi ? Parce que je sais que je suis plus gros lecteur que toi. Ouais. Mais on a tous une porte d'entrée, on va dire, dans l'univers kingien. Alors je sais que c'est les fans anglo-saxons aiment l'appeler le Kingdom. Mais toi, ça a été quoi et ça... Quel est ton rapport avec cet homme, finalement ? Alors, ma porte d'entrée, ça a été Creepshow, que j'ai dû voir à 10 ou 11 ans, à peu près. Oh, putain. Bienvenue. Voilà, mais j'avais pas conscience de qui était Stephen King à ce moment-là. Mm-hmm. Et plus tard, ça a été Shining, en fait. D'autant plus que ce qui est extrêmement, extrêmement marquant, je trouve, avec King, c'est que c'est un des rares auteurs d'horreur anglo-saxon qui a des échos chez nous. Là où, par exemple, je sais pas, qui est moins marqué horreur, mais Richard Matheson, n'a pas du tout la même reconnaissance, on va dire, en Europe et plus précisément en France. En tout cas, je trouve. Ouais. Mais du coup, ça a été Shining. Ensuite, ce qui m'a donné envie de lire Shining, j'étais en 6e à l'époque. Mm-hmm. Donc j'étais vraiment jeune quand j'ai vu le film. Et le bouquin a été, par chance, au CDI de mon collège, donc... Big up à Madame Badramdam, documentaliste au CDI du collège Saint-Georges dans le 19e. Quelque part, j'ai un peu le même parcours. Et après ça, donc est-ce qu'à ce moment-là, t'as percuté qui il était ? C'est ça, à ce moment-là, je percute qui est King, je m'intéresse un peu plus à ses films, enfin aux films adaptés de ses bouquins. Et là, aïe aïe aïe, ouïouïouï quoi, c'est le rapport de films, je pense le rapport nombre de films adaptés, nombre de bons films, voire de juste films regardables, je suis pas sûr qu'on y soit gagnant. Ouais, mais pour le coup, quand je suis à ce moment-là de ma cinéphilie, entre gros guillemets, je m'intéresse... au classique, donc qu'est-ce que je regarde en premier ? C'est Carrie, c'est Misery, donc... Non, ça, bonne pioche. C'est Christine aussi, c'est aussi à ce moment-là que je commence à devenir vraiment fan de Carpenter. Putain, j'aurais dû prendre Carrie. J'adore ce film. Et du coup, bah, en parallèle, je lis aussi d'autres King, notamment Misery. Mm-hmm. Mais ça s'arrête là, je pousse pas la curiosité de lire du King plus que ça. Par contre, les adaptations, là, ça y va. Pour le meilleur et pour le pire. T'as vu La Nuit Déchirée ? J'ai pas vu le lieu chez moi. Adapté d'un calendrier. C'est pas une blague. Genre, j'ai pas c'est Sleepwalkers, non ? Ouais, j'ai pas le détail. Sleepwalkers. Sleepwalkers. Ouais. J'ai plus le détail exactement, mais en fait, c'était des petites histoires qu'il avait écrites pour un calendrier, qui ont été adaptées, et en plus adaptées par le troubadour de King, la réponse du cinéma d'horreur, hein, Mick Garris. Donc, on n'a pas de Mick Garris dans la sélection, quelque part, j'en suis content. Alors, on va en parler un peu pour Shining. Évidemment, mais j'avoue que... Moi, ça a jamais été un réal que j'aime beaucoup et. Bah, on peut le big up pour avoir créé Masters of Horror. Oui. Pour l'initiative de ça. Ouais, mais... qui a quand même. Ah non, qui a quand même donné des trucs très très chouettes. Mais à part ça. Critters 2, je crois que c'est lui. Critters 2, et ça, c'est plutôt rigolo. Mais sinon. Ouais. Oui, Sleepwalkers, ouh, la série Shining, il a un dossier chargé, Alors, moi, personnellement, si je vais parler de mon rapport à King, alors, c'est quelqu'un qui m'a tout de suite intéressé, parce qu'effectivement, je sais que j'ai mis un peu plus de temps que toi avant de pouvoir plonger dans les films, on va dire, auxquels j'avais pas forcément le droit, mais ce que je faisais, c'est que je me renseignais énormément sur ces films-là. Okay. Du coup, j'ai très vite recoupé, avant de voir les films, quel réalisateur avait fait quoi, quel auteur avait écrit quoi, qui avait participé à quoi, et il y avait ce nom qui revenait, effectivement, parce que j'ai longtemps fantasmé sur Shining avant de le voir, j'ai longtemps fantasmé sur Christine avant de le voir. D'ailleurs, Christine, pour anecdote, je m'en ai fait l'image d'un film extrêmement gore. Pas du tout. Lorsque je l'ai vu pour la première fois, ça redescend un petit peu. Ouais. J'ai longtemps fantasmé aussi sur quoi d'autre ? Bah sur Creepshow avant de le voir, et je pensais que c'était une nouvelle de King d'ailleurs. Okay. Du coup, je m'étais aussi figuré que King était aussi un auteur de comics. Pas du tout, évidemment. Bah, le seul film qui m'avait fait ça, c'était L'Exorciste en fait, où en gros mes parents m'avaient dit non, surtout ne le regarde pas. Et au final, ne le regarde pas, t'es encore trop jeune. Et au final, genre, je partais en vacances chez mes grands-parents, je leur ai dit est-ce que je peux prendre le DVD et je le regarde avec leurs grands-parents. Ils ont dit oh, d'accord. Et puis bah. En fait. T'en fais tellement une montagne dans ta tête que... C'est ça. Évidemment, Massacre en tronçonneuse, moi, celui qui m'a fait ça, mais j'ai pas du tout été déçu, c'était Scream. Ma mère m'a pendant longtemps dit « Non, regarde pas, c'est horrible. » Et un jour, je le vois, quand j'avais 16 ans, je le vois sur VHS chez mes grands-parents. Donc, incroyable. Et je le vois, et là, bon, coup de cœur absolu. Et depuis, je suis amoureux de à peu près tout le casting, en fait. Mais c'est une histoire pour un autre temps. Sous Mathieu Lillard. Comment ? Sous Mathieu Lillard. Rasta Technoblanc. Ouais, non, ça, c'est autre chose. Un jour, faudra parler au monde d'un film des années 90 où il cite du George Orwell en se massant les tétons. Enfin, bref. Histoire pour un autre temps aussi. Et donc, je capte qui est King, et je commence à lire vraiment pas mal d'ailleurs sur qui il est, sur ce qu'il fait, sa vie, son œuvre, et en fait, ce qui va commencer à me marquer, c'est la variété d'écrits qu'il a pu faire, et quelques années plus tard, je tombe dans le cycle de La Tour Sombre, qui est son gros œuvre en fait, tout simplement, autour duquel tout gravite. Il y a certains des films d'ailleurs adaptés de ce soir, où certaines des clés de lecture des récits sont dans La Tour Sombre, notamment le plus connu étant l'origine des monstres de The Mist. Ça vient, enfin, c'est jamais confirmé, mais tu recoupes un peu et tu peux deviner que ça vient de La Tour Sombre. Ok. Et en fait, le roman qui m'a fait vraiment percuter sur King, alors il y en a deux, c'est Les Deux Saints, qui ont vraiment été, ouais, il y a eu un avant et un après pour moi quand j'ai lu les deux romans, parce que j'ai été traumatisé très très jeune par le premier film des années 90. Ouais. Alors que j'ai revu et non, ne pas faire. J'ai une espèce de fascination un peu malsaine pour ce film. J'aime beaucoup le film. Mais... Et je l'aime beaucoup aussi, mais. Je pense pas qu'il fonctionne encore aujourd'hui. En fait. Ouais. Je pense qu'il y a quelques scènes qui marchent, notamment la scène de Georgie. Oui. Mais la scène dans les douches, là, ouais, bizarre un peu. Ouais, et puis surtout, en fait, c'est un film qui a marqué beaucoup de personnes, notamment en France aussi. Par sa diffusion télé. Par sa diffusion télé sur M6, si j'ai pas de conneries. Ouais, et on oublie qu'il fait 3 heures du coup. C'est ça. Mais t'as plein d'effets qui fonctionnent pas, et puis ensuite on a eu les deux adaptations récentes qui vont à deux extrêmes d'un spectre qualitatif. En deux films, c'est fascinant. Et donc il y a eu ça, et il y a eu Marche ou Crève, alors qu'il n'a pas écrit sous le pseudonyme de Stephen King, mais sous le pseudonyme de Richard Bachman, qui a été un absolu traumatisme pour moi. Tu vois ce que c'est comme histoire ? Tu m'en as parlé un peu, ouais. Ouais, c'est, pour faire rapide, dans un futur dystopique, tous les ans, il y a un marathon qui est organisé, un marathon infini, en fait, en théorie, il parcourt tout le pays, une bande de jeunes parcourt tout le pays, une bande de jeunes autour de la vingtaine, et si tu ralentis trop, tu te fais abattre sauvagement d'une balle dans la tête, et le dernier en vie a un prix, il peut, dans mes souvenirs, il a beaucoup d'argent, en gros, il devient super, quoi. Okay. Enfin, il devient super, il n'y a plus de problème, quoi. Et c'est absolument terrifiant, parce que typiquement, t'as des scènes comme quand ils doivent, je sais pas, aller aux toilettes. Il fait son affaire en ralentissant un peu, parce que tu peux ralentir, enfin bref, je vous invite à lire le livre, et en ralentissant sur la route, et tu vois des gens se précipiter pour le récupérer, parce que ça devient une espèce de relique. C'est terrifiant, vraiment, c'est absolument horrible, et bref, plein de fois ça a tenté d'être adapté, mais je pense que ça ne le sera jamais. Pour des raisons évidentes d'enfants de 18 ans qui se prennent des balles dans la tête à intervalles très réguliers. Bref. Au Japon, on sait jamais. Hein. Ah, j'aimerais bien. Le pays de Battle Royale. Le pays de Battle Royale ou le pays de White Rose Campus. Je dirais pas le titre complet, mais White Rose Campus, ça va être drôle. Ou alors si vous avez. Les sachants savent. Si vous avez écouté le dernier épisode, le pays de The Sons of the Evil. Oui, oui, grandiose film aussi, c'est Hunger Games avec un fusil à pompe. Et donc, bref, je capte qu'il y a Stephen King, mais j'avoue que j'en suis un peu revenu depuis, ça fait longtemps que je suis plus le... C'est sorti, en fait je crois que le dernier roman que j'ai vraiment lu au moment de sa sortie, c'était Doctor Sleep. Okay. Que j'aime pas du tout le roman, vraiment, je trouve que le roman est complètement raté, alors pourtant j'aime plutôt bien le film, enfin, on aime tous les deux plutôt beaucoup le film même, mais je trouve le roman complètement raté, et j'ai un peu décroché à partir de ce moment-là, pourtant il sort... Il sort 1 à 3 trucs en France par année, et encore plus aux États-Unis. Donc ouais, un kingdom très très très très large. Même si moi je pense que ouais, si je dois donner mes préférés en roman, bah, c'est Marche ou Crève pour toujours. J'aime beaucoup Carrie aussi. Et tout le cycle de la Tour Sombre, particulièrement le deuxième tome. Et voilà. Mais donc, si on démarre sur les films directement, parce qu'en plus, on démarre par un... gros pavé, voilà, c'est très poli de dire. On va vraiment commencer par le plus gros. Bah, en fait, c'est amusant parce qu'on a des façons différentes de choisir le film. La mienne étant toujours d'essayer d'aller un petit peu creuser, d'essayer de trouver, on va dire, alors même des trucs qui sont pas forcément exceptionnels, hein, pour tourner avec Nightflyer, mais d'essayer d'aller chercher, on va dire, les moins mis en avant. Tu n'as pas ces remords-là. Alors, pour le coup, Shining, je l'ai pas choisi. Effectivement. Shining, c'est effectivement vous, nos chers auditeurs, et plutôt nos chers abonnés Instagram, qui l'avaient choisi. Ainsi que Misery. C'est vrai que sur Shining, on aurait pu tendre le coup et mettre Dr. Sleep, et vas-y, allons sur Shining. Donc, alors, Shining. Alors, je vais juste commencer, comme à mon habitude, par... Les titres alternatifs. Les titres alternatifs. Alors, je vais commencer, je vais finir par le titre en Amérique latine, parce que j'ai... Il vaut le coup. Parce que j'ai un poster, en fait, du film, avec le titre latin. Oh, alors enfin, ça... Le titre, espagnol. Vends-moi du rêve. Voilà. Donc Shining, qui s'appelle aussi L'Enfant Lumière au Québec, comme le bouquin. Radiation en Croatie. Éclaircissement en République tchèque. L'Hôtel du Mal au Danemark. Alors, L'Hôtel du Mal, ça j'aime bien, ça fait un peu. Ça fait un peu genre livre pulp, ça c'est agréable ça. C'est ça. Alors en Estonie, il a deux titres, c'est Hôtel de la Mort ou Gloire. Il s'appelle Éclat en Grèce et en Hongrie. Il s'appelle Paillette en Lettonie. Il s'appelle Boutique Fantôme à Taïwan et Maison Hantée au Vietnam. Mais Paillette, le film culte de Stanley Kubrick. Mais du coup, en Amérique latine, il s'appelle La Lueur ou El Resplandor. Ça va, c'est pas... Ah, Paillette, enfin... Oui, Paillette. Ça pourrait être le deuxième titre de Parking avec Francis Huster. En fait, c'est... Juste, je finis par ça parce que, encore une fois, j'ai un poster avec... J'imagine bien te lever chaque matin et voir, ah là là, je reverrai bien Lueur. Et affiche très classe d'ailleurs, où c'est juste... Fond noir avec un tricycle rouge et les traces, les trois traces du coup des roues en rouge aussi. Magnifique. Mais donc, film sorti le 23 mai 80 en Turquie. Le même jour, il a une sortie limitée aux US et il sort finalement à grande échelle aux US le 13 juin 80. Et en France le 16 octobre avec cette VF atroce. Ça va. Non, la VF de Shining est affreuse. Ça va. Jean-Louis Trintignant sur Jack Nicholson, c'est intolérable. Oui, non mais... Oui, enfin, je défends un minimum la VF parce que je l'ai découvert en VF, mais... Non, moi aussi, j'ai découvert en VF. Je, je crois que je l'ai pas revu en VF depuis... Ouais, depuis facile 10 ou 10, 9 ou 10 ans, donc je veux pas me porter garant de ça. Je le découvre en VF, et je... Ben, à cette époque-là, j'ai 11-12 ans, donc je suis un peu con, je me dis ça. Et j'ai essayé de le revoir en VF cet été, j'ai tenu 5 minutes. Par rapport à Black Swan, qui est ta némésis de VF sur Vincent Cassel. Oui, alors, même tiers en vrai. Mais en vrai, Black Swan, il n'y a que Vincent Cassel qui l'aime sur la VF. J'ai perdu l'habitude de voir les films en VF, moi, même quand c'est... Ah, il faut vraiment que ce soit très bien pour que je la regarde en VF. Mais... Et donc surtout, alors il sort en France et globalement en Europe dans une version tronquée d'une vingtaine de minutes. Il sort, parce que la version intégrale fait, donc la version américaine fait 2h22, et la version... Il n'y a pas une histoire de version télé aussi, qui est plus grande ou plus courte, je sais pas. Ça, je sais pas, je t'avoue. Okay. Mais tout ce que je sais, c'est que quand il sort en Europe, donc France, Royaume-Uni, etc., il sort dans une version qui fait autour de 2h, donc ouais, une vingtaine de minutes tronquée, et cette version-là sera disponible seulement en France en 2019, au moment de la sortie de Dr. Sleep. Eh ben... Ça fait loin du coup, donc à la Réal, on a... Oui, bon. un petit nom pas très connu qui est Stanley Kubrick. Légèrement. Voilà, et donc au scénario, on retrouve Kubrick, Dian Johnson, dont c'est le seul scénario, et donc c'est très librement. Oui, librement adapté. Oui, façon polie de dire que je pense que tu pouvais pas l'adapter. Alors, je vais pas dire de pire façon, parce que j'aime beaucoup le film, même si il y a quelques trucs qui gênent un petit peu à la lumière de 2024. Mais c'est genre l'opposé de ce qu'il y a dans le roman, c'est ça. Bah, King aime bien le décrire, alors bon, on va spoiler parce que de toute façon tout le monde connaît Shining. Ouais, je pense que Shining, sur la fiche technique et la présentation, on peut abréger genre. Voilà. Qu'est-ce qui n'a pas été dit sur Shining ? Voilà, mais donc globalement, King décrit la différence entre le film et le livre comme à la fin du livre, l'hôtel brûle, à la fin du film, l'hôtel gèle. Mais c'est ça, et surtout il le déteste, notoirement. Oui, il le déteste, mais surtout... Il aime dire qu'il le déteste. Mais du coup, il explique la différence de ton entre les deux films, en mode, le livre est plus chaleureux, entre guillemets, que... beaucoup de guillemets. Oui, entre beaucoup de guillemets, mais Kubrick est un réal qui est froid par essence. Mais c'est ça, et puis surtout, en fait, le gros problème, c'est que King, c'est notoirement quelqu'un qui a eu d'énormes problèmes d'addiction, qui se voit dans la plupart de ses romans, on y reviendra sur Misery, et le sommet de ça étant les Tommy Knockers, qu'il ne se rappelle pas avoir écrit, et si vous avez déjà lu les Tommy Knockers, ça se devine, enfin vraiment, je peux dire que c'est compliqué à lire, parce que c'est, moi je trouve ça plutôt amusant, c'est assez didactique, mais en même temps, t'as l'impression de lire, ouais, vraiment, que, en fait, ça fait un peu la même impression que sur Le Festin Nu. Cette espèce d'enchaînement de n'importe quoi. Et effectivement, là où le roman Shining, c'est littéralement une cristallisation de toutes ces phobies-là, le film les skip totalement et n'en fait qu'un espèce de motif horrifique qui va... Enfin, pas que... En fait, c'est toujours compliqué de résumer Shining à certains motifs de narration ou certains motifs d'horreur, mais va être beaucoup moins explicite et va aller beaucoup moins en profondeur sur ces sujets-là. Ouais. Alors, pour finir vite fait à la fiche technique, à la musique, on a Wendy Carlos, qui a notamment été à la BO de Tron. De Tron de l'original ? Ouais. Ok. Et à la supervision musicale d'Orange Mécanique. Oui, donc ça va. Et Rachel Elkind, qui, elle, a écrit deux titres de la BO d'Orange Mécanique. Ok. Donc voilà, et à la photo, John Alcott, chef-op sur Orange Mécanique, Barry Lyndon, Le Monstre du Train. À partir du moment où il a fait Barry Lyndon. Oui, ou même encore Dar l'Invincible. Oh, grandiose. Alors, si un jour on en parle, j'ai une histoire très longue et très compliquée avec ce film à base de quelqu'un qui cassait des bouteilles sur la tête de gens. Mais je m'en dirai un peu plus. Et il a été crédité en tant que Additional Photography sur 2001. Ça va. Petit CV, petit CV. Au casting, évidemment, bah Nicholson, hein, Les Infiltrés, Voltonnet de Coucou, Chinatown, Batman, Mars Attacks. Voilà, surtout Batman. Voilà. Shelley Duvall. Alors. On va revenir sur ça. C'est ce qui fait que j'ai aujourd'hui vraiment du mal à revoir le. Enfin, ouais. À apprécier le film comme je l'ai apprécié la première fois. Ouais. Shelley Duvall, donc. Annie Hall, le Frankenweenie original de Burton, le moyen-métrage, et qui garde un très très mauvais souvenir du tournage. Bah, qui était brisé en fait, par ce tournage. C'est ça. Parce que Kubrick voulait, en gros, que... Pousser les acteurs. C'est ça, pousser les acteurs. Enfin non, la pousser elle, parce qu'il n'avait pas du tout le même traitement avec Nicholson. Je pensais pas, ok. Il voulait la pousser elle à bout, parce que c'est elle en soi qui a vraiment peur pendant tout le film. Danny, lui, il est plus déphasé et plus pris par le Shining que par les événements. Et Nicholson, c'est la menace. Mais du coup, Shelley Duvall... Bah, elle va juste morfler. C'est ça, elle va morfler parce que Kubrick voulait des réactions plus authentiques. Ouais, c'est... Bah, dans les faits, oui, c'est là, mais ça reste... Du coup, ça donne, je trouve, au regard de 2024, à tout le film, un arrière-goût extrêmement particulier, voire douloureux. En fait, je ressens un petit peu la même chose devant ce film que lorsque je regarde Mother, alors qu'il est un film que j'aime beaucoup moins que Mother, le Aronofsky, pas le Bong Joon-ho, mais que j'aime beaucoup moins que Shining, mais en fait, lorsque je vois Mother, je vois un film qui est bien tourné, bref, j'ai pas détaillé forcément mon avis sur Mother, mais j'ai un énorme problème, parce que dès que je vois Jennifer Lawrence qui souffre, et elle souffre beaucoup pendant le film, c'est beaucoup trop... ça sort, on va dire, du cadre de la fiction pour moi, et ça me met juste mal à l'aise, mais pas mal à l'aise comme... je sais pas, J'ai rencontré le diable me met mal à l'aise, comme des films qui sont censés te mettre mal à l'aise le font, vraiment juste mal à l'aise humainement parlant. Et j'avoue que Shining, en le revoyant, je vais pas dire que je l'en vois souvent, mais je l'en vois aussi, je l'en vois quand même de temps en temps. Et là, ça faisait quelques années que je l'avais pas vu, depuis qu'on sait ce qu'on sait en fait, sur le tournage, enfin depuis que c'est quelques mois je l'ai appris. Okay. Et là, c'est la première fois que je m'y reconfrontais, et il y a vraiment des scènes où quand elle hurle, et que tu sais que elle hurle probablement vraiment. Ouais. C'est... Oui, ça fonctionne par extension, mais ouais, moi j'ai vraiment du mal avec ces choses-là. Ouais, moi aussi pour le coup. Alors, c'était pas la première fois que je le voyais depuis que je savais. J'avais notamment revu en salle il y a un peu plus de 2 ans. Mm-hmm. Et pour le coup, c'est vraiment cette expérience en salle qui m'a fait réaliser à quel point, en termes de mise en scène, c'est phénoménal. C'est très très difficilement attaquable. Ouais. Et alors, pour finir très vite fait sur le casting, on a Scatman Crothers dans le rôle de Dick Halloran, qui a joué dans Vol au-dessus d'un coucou aussi avec Nicholson, dans le film La Quatrième Dimension ou dans Les Aristochats. Voilà. D'un extrême à l'autre. Devinette, alors, un afro-américain qui joue dans Les Aristochats, il joue le chat asiatique qui fait du piano avec des baguettes ou le chat qui fait du blues. Je répondrai pas sans la présence de mon avocat. Voilà. Et Joe Turkel pour le rôle de Ullman, donc celui qui embauche Nicholson, qui a joué dans Blade Runner, Le Baiser du Tueur ou Les Sentiers de la Gloire. Ça va. Des petits CV à nouveau. Encore une fois. Donc, est-ce que tu veux commencer sur Shining? Bah, Shining, à nouveau, sans tenter... On a déjà un peu commencé. Oui, sans tenter d'en faire une analyse complète. En fait, moi, c'est un film qui a toujours représenté un immense bloc sur lequel un point d'interrogation est très bien gravé. C'est-à-dire que c'est un film qui, chaque fois que je le vois, fonctionne parfaitement. Alors, mis à part les éléments autour de Shelley Duvall, du coup, même si son personnage m'a toujours... Ça m'a toujours interloqué à quel point c'est prenant. Mais c'est ça qui, du coup... Je trouve transparaît difficilement, enfin transparaît, au contraire, sa détresse morale transparaît d'autant plus aujourd'hui, et ça le rend le visionnage difficile. Mais c'est un film qui m'a toujours mi-fasciné, mi-repoussé, alors fasciné par cette espèce de perfection formelle qui est tellement incroyable, qu'en fait c'est très dur, enfin je me demande si c'est possible d'attaquer Shining, et en même temps qui m'a toujours sidéré par le fait que je n'arrive pas à décrypter le film. Je ne sais jamais ce que le film veut dire, ce dont le film veut parler. Je pense qu'il parle de tellement de choses, ou il veut parler de tellement de choses, que moi ça me laisse complètement désarmé, et j'ai un appareil critique qui bug, en fait, face à Shining. C'est-à-dire, je peux voir la mise en scène, je peux voir comment c'est fait, je peux la décrypter, je peux essayer de l'analyser, je peux essayer de la comprendre, mais j'ai toujours du mal à aller au-delà de ça, et c'est un film qui, en même temps, fonctionne parfaitement sur moi, et qui, en même temps... me repousse presque par sa perfection. Je sais pas si c'est très clair. Mais n'empêche, je... Là, typiquement, dans la catégorie, on va dire, avis impopulaire, entre guillemets, je pense préférer Dr. Sleep. Pas que je trouve Dr. Sleep meilleur, évidemment, mais Dr. Sleep est plus accueillant sur ses thématiques et sur la façon d'accueillir son spectateur, je trouve. Après, ça, je peux étendre ça à tout Kubrick en général, que je trouve toujours parfait, mais mis à part Orange Mécanique et Eyes Wide Shut, j'ai... pas de film, c'est des films importants à voir, que je prends plaisir à voir, que je prends plaisir à contempler notamment, mais j'ai pas un attachement aussi fort avec Kubrick que ce que je peux avoir avec, je sais pas, Argento. Par exemple, Argento, je vois que certains films sont pas parfaits, je rappelle que j'avais défendu Le Sang des Innocents, mais j'ai un attachement extrêmement fort à ces films-là, tant par les thématiques que par la façon dont ils vont simplement accueillir le spectateur. Kubrick a une espèce de froideur qui m'a toujours un petit peu repoussé. Et c'est paradoxal parce qu'il y a d'autres réalisateurs inspirés de lui, le plus évident étant Lanthimos, que j'aime énormément, notamment quand ils vont dans ce côté extrêmement glacial. On peut penser récemment à Poor Things, qui est littéralement un enfant de Kubrick. Mais j'avoue que j'ai toujours du mal un peu à expliquer ce côté repoussant que j'ai avec Shining, et je pense que c'est dû du coup à ce côté congelé vraiment de la mise en scène. Je vais dans les superlatifs sur le côté froid, mais bon, le film oui. S'y prête. Même si à nouveau c'est fascinant, hein, je pense que chaque plan peut être analysé dans Kubrick, enfin dans Kubrick en général évidemment, mais maintenant qu'on sait ce qu'on sait sur ses méthodes de tournage et sur la façon qu'il avait traité Shelley Duvall, j'admets que j'ai beaucoup plus de mal à m'y reconfronter aujourd'hui. Ça peut se comprendre. Et ce que tu disais sur Dr. Sleep, est-ce que ce serait pas aussi lié au fait que Dr. Sleep, on a vécu la sortie, ça a jamais été... Mais j'ai vu après. Oui, mais je veux dire, il n'y a jamais eu vraiment de culte autour de Dr. Sleep, là où Shining et Kubrick en général, c'est des trucs qui sont là depuis... L'hôtel inattaquable. Des trucs qui sont là depuis avant notre naissance, hein. Kubrick il est mort en 99, donc toi t'es en 2002 ou en 2001, donc ça a toujours été là, et ça a toujours été cette espèce de montagne, quoi. Bah il y a de ça, mais par exemple, j'aime plutôt bien l'Exorciste 1, mais j'adore Halloween. J'adore Suspira, j'adore Massacre à la tronçonneuse, il y a des classiques que j'aime bien, mais c'est vrai que Shining a ce côté intouchable, absolu, qui fait qu'il y a toujours j'ai toujours une distance avec ce film, même si j'ai à nouveau beaucoup de mal à l'attaquer, parce que je vois pas ce que je peux lui reprocher, en fait, alors à part les conditions de tournage, voilà. Mais tout dans ce film sonne Juste tout le montage, l'éclairage, la musique, la placement de caméra, les interprétations d'acteurs, petit guillemet sur celui-ci, mais tout est parfait et tout est au bon endroit, à la bonne place, et c'en est vraiment désarmant en fait. Là, paradoxalement, j'ai beaucoup plus de facilité à parler d'un film que j'aime beaucoup mais que je sais être imparfait, Van Helsing si tu m'entends, qu'à parler d'un film que je sais être formellement impeccable, mais sur lequel je me sens complètement désarmé. Et à nouveau, le fait qu'il y ait... Bah, tu pourras parler de Route 237, que t'as vu, mais il y a tellement de choses qui peuvent être dites sur ce film, c'est ça, pas dans ce documentaire. Oui, mais surtout, tellement de choses qui ont déjà été dites. Voilà. Bah, c'est comme quand on a fait notre épisode sur l'Exorciste, c'est que moi, à la limite, j'ai plus de choses à dire sur l'Exorciste 3, 4, ouais, que sur... Même le 2, en soi. Bon, toujours plus que sur le Gordon Green. Mais que sur Shining, typiquement, et... Même sur Dr. Sleep, je pense que Dr. Sleep, j'aurais beaucoup plus de choses à dire, notamment sur la façon dont il adapte, je trouve extrêmement bien le roman. Là où, pareil, tout a été dit sur les adaptations entre le Shining, le roman, et le Shining film, que ça ferait, je trouve, que de la redite, voire de l'évidence. Et ce qui est d'autant plus intéressant, je trouve, dans la façon qu'a Dr. Sleep, dans la comparaison qu'on peut faire entre Dr. Sleep et Shining, c'est le fait que Shining a eu un impact énorme sur le cinéma d'horreur. Il suffit de voir, alors comment ça s'appelait, tu vas peut-être m'aider, cette saga de documentaires trop bien sur les films des années 80 et 90. Into the Darkness. Trip Into Darkness, un truc comme ça. Je crois que c'est Into the Darkness. Ouais. Mais qui était trop bien, enfin, en tout cas, qui était pas hyper instructive, mais qui était extrêmement chaleureuse. Et qui en fait était une saga de documentaires sur le rapport des stars actuelles qui vont généralement tourner autour de l'horreur, mais il y a également de la musique avec Corey Taylor, le chanteur de Slipknot, qui intervenait, et qui vont parler des films auxquels ils sont attachés. Et il y a évidemment tout un chapitre dédié à Shining, et aujourd'hui, je veux dire, je pense que n'importe quel réalisateur se réclame de Shining, enfin n'importe quel réalisateur qui veut être un peu de l'horreur, je pense que Robert Eggers doit faire des choses pas du tout catholiques devant Shining, mais je pense que c'est d'autant plus intéressant de voir ce que Dr. Sleep fait de cet héritage. Aujourd'hui, justement, en faisant, je trouve, un juste milieu entre lui rendre hommage tout en s'en éloignant drastiquement, l'exemple le plus absolu étant tout le passage dans l'Overlook, oui, où en même temps il va le singer, mais pas trop, et justement détourner un petit peu ça. Et c'est ça que, limite, je suis plus intéressé par les conséquences et l'héritage qu'aurait Shining que par le film en lui-même aujourd'hui, où oui, c'est un intouchable, oui, c'est absolu, mais je dois admettre qu'il me passe un petit peu à côté. Et accessoirement, si je peux aller dans un côté beaucoup plus personnel, il y a un truc que je viens d'y penser que je peux reprocher au film, j'ai jamais... In Search of Darkness, pardon. In Search of Darkness, voilà, d'autant plus qu'il y a eu toute une saga dessus. Bref, si vous avez l'occasion, des super documentaires, allez-y, c'est un peu long, mais c'est du tout bon. Si je peux aller, avant qu'on ne sache sur les accusations, je dois admettre un truc qui, aujourd'hui, est peut-être horrible à dire, je m'en excuse. J'ai toujours trouvé le personnage de Shelley Duvall insupportable. Parce qu'en fait, elle a par nature un rôle, elle subit beaucoup. À nouveau, tout ce que je dis est pris avec des grosses pincettes, s'il vous plaît. Oui, ce qu'elle a vécu est horrible. Ah, on parle d'un personnage en soi, c'est... Ouais, c'est... Non, j'ai rien contre elle. Elle est pas responsable du personnage. Ouais, j'ai rien contre elle, mais je trouve que cette mécanique de tout le temps lui faire subir au cours du film, à la fin, moi, ça m'insupporte vraiment, et ça me laisse un petit peu... Ça me fait sortir du film. Voilà, ouais. Si je devais reprocher un truc, c'est ça. Voilà. Et toi? Et moi, alors... t'en as déjà dit beaucoup. Oh, je n'ai pas tout dit. Évidemment, on ne peut pas tout dire sur Shining, oui, en si peu de temps. Tu peux parler du rapport qu'entretient Kubrick avec le nazisme, éventuellement. Non, mais alors ça, ouais. Parce que, du coup, ce matin, j'ai découvert Chambre 237, Room 237, ce magnifique documentaire où on t'explique que Shining, c'est à la fois une métaphore sur la Seconde Guerre mondiale, sur la Shoah. Pourquoi la Shoah? Parce qu'il y a une récurrence du nombre 42, et que c'est en 1942 qui a été commencé... La solution finale. Ah bah, source, deuxième source, hein. C'est ça. À deux doigts d'être un documentaire Fox News. Ou encore que c'est un aveu de Kubrick sur le fait qu'il ait fait avec la Lunisage de 69. Pourquoi? Parce que Danny, il a un pull Apollo 11. Ça, wow. C'est à ce niveau-là de recherche, hein. C'est... Voilà, non, alors, bah du coup, Shining, c'est possiblement mon Kubrick préféré. Peut-être avec Orange Mécanique. J'avoue avoir un énorme affect... Alors aussi avec grosse nébuleuse sur les conditions de tournage, mais sur Eyes Wide Shut. J'avoue que j'ai pas encore vu Eyes Wide Shut. Mais j'ai une histoire très particulière avec ce film. Donc je pense que si je me suis un côté plus moi personnel, je pense, serait soit 2001, soit Barry Lyndon, perso. Ok, je t'avoue, j'ai vu Barry Lyndon une fois, C'est pas le plus facile. J'ai bien pitié du nez, après j'étais ado, encore une fois, je devais avoir 13 ou 14 ans quand j'ai vu. C'est pas le plus facile, Barry Lyndon. Ouais, c'est le cas de le dire. Et du coup, Shining, alors sur toutes les interprétations qu'on peut en faire, celle que je retiens et celle avec laquelle je suis le plus d'accord, c'est que Shining parle globalement de violence. C'est-à-dire que c'est l'image des internes d'Amérique est omniprésente dans le film, que ce soit par les tapisseries, par... on a cette boîte de conserve de levure qui est de la marque Calumet, avec un indien dessus qui est pareil présent plusieurs fois. Et le film est. Enfin, l'hôtel est évidemment basé sur un cimetière indien. Littéralement, le cliché vient de là. Hein, c'est Amityville. Amityville, c'est 80 aussi, premier. C'est 70. Non, c'est 70, ouais, c'est fin 70. Donc oui, c'est dans ces clichés-là, mais c'est globalement Shining qui l'a démocratisé partout. Hein, c'est... Voilà. Mais donc, il y a ça, et il y a aussi les violences sexistes avec Jack qui méprise sa femme au dernier degré, qui la prend pour la dernière des codes. Et dès le début du film, je me rappelais pas que c'était aussi évident dès le début. Pour moi, ça se développait plus tard, mais du coup, aujourd'hui, ça sonne un peu étrange, on va dire, voilà. D'annoncer les violences faites aux femmes en étant soi-même un énorme connard, c'est... Ouais, faites ce que je dis, pas ce que je fais, hein, ouais. Vincent, si tu nous entends. Il y a ça, il y a les violences physiques, mais derrière, on sait que Jack a déboîté l'épaule de Danny. Je savais pas ce petit détail aussi. Si, c'est dit dans le film au début, pourquoi... Ah ok, le personnage, je pensais que c'était sur le tournage. Non, oui, parce que c'est vrai que Jack Nicholson s'appelle Jack comme Jack Torrance, ouais, et que Danny s'appelle Danny Lloyd. Mais non. Le personnage de Jack Torrance a déboîté l'épaule de son fils. Au début du film. C'est raconté au début du film. Surtout, ce qui est assez flou, c'est que au début du film, Wendy dit que ça s'est passé il y a 5 mois, et quand il en parle à Lloyd, le barman fantôme, ça s'est passé il y a 3 ans. Mais c'est ça, en fait, c'est un des éléments que j'aime le plus dans Shining, c'est ce côté extrêmement flou sur la narration qu'il va ajouter, d'autant plus qu'il y a énormément d'éléments qui sont très discrets, mais en même temps très... très intéressant. Moi, c'est les petits détails que j'aime bien, mais typiquement le fait que le plan de l'hôtel n'a aucun sens. C'est ça. C'est des détails, mais que j'adore. Tu peux pas faire une carte de l'hôtel, enfin, t'as des murs qui mènent nulle part, enfin, t'as des portes qui mènent nulle part, t'as littéralement une poignée de porte sur un mur. Ouais, ça, ou alors une poignée de porte au plafond. Ouais. Et c'est des petits détails visuels, alors ça ne peut pas être des détails, étant donné le perfectionnisme absolu qu'on sait de Kubrick, mais c'est ces éléments-là qui m'intéressent le plus dans le film, en fait, c'est la façon dont, avec des tout petits détails visuels, il va construire quelque chose de beaucoup plus grand. Oui, pareil, il y a la télé qui n'a pas d'alimentation. Alors, j'ai vu des gens dire, tous les appareils électriques n'ont pas d'alimentation, c'est faux. Les lampes de chevet sur les tables de nuit, on voit clairement les câbles. Mais du coup, c'est limite plus intrigant, et par conséquent effrayant, de voir que certains n'ont pas d'alimentation et pas d'autres. Mais donc t'as tous ces éléments-là qui sont, je trouve, évidemment passionnants, et... Également, moi, le plan qui m'a toujours interloqué, c'est le plan de fin sur Jack Nicholson dans le tableau. J'ai jamais su comment l'analyser exactement, mais en même temps, cette incapacité d'analyse me le rend absolument fascinant. Alors, mon analyse, et ça, je l'ai réalisé que, genre, ce matin, c'était que, en gros, quand Danny parle avec Dick Halloran, donc le cuisinier de l'Overlook, qui lui-même a le Shining, il parle des visions qu'il a, et Dick lui dit que ce ne sont que des images... comme dans un livre. Et où finit Jack après avoir été dévoré par l'hôtel, sur une photo. Mais non, je pense que c'est une lecture qui se lit, mais je pense que comme tout, tu peux en avoir des tellement, tellement de lectures possibles. Enfin, c'est vraiment... Enfin, non, c'est vraiment un film qui est fascinant par son mystère. C'est ça qui... Ouais. Parce qu'on n'a jamais eu d'explication officielle sur ce qu'il veut dire. Bah, et tant mieux. Ouais, tant mieux. Nous, c'est pas... là, je vais remettre une tag gratuite, mais c'est pas Aronofsky qui call out littéralement ce que veut dire Mozart. Non, là, c'est ce mystère qui, je trouve, j'imagine, a permis au film de survivre autant dans les âges, parce que le fait que n'importe qui peut arriver et poser une analyse, potentiellement, elle est vraie. Bon, sauf celle sur le nazisme, potentiellement, mais... Voilà. Et juste pour finir sur... la thématique de la violence dans le film, on a aussi de la violence raciale, avec notamment le seul meurtre du film, c'est... Celui du cuisinier. Du cuisinier noir, du coup. Ou pareil, quand quand t'as un fantôme, le fantôme de l'ancien gardien qui a assassiné sa famille, d'ailleurs, au passage, il n'a pas le même nom. C'est-à-dire qu'au début du film, pendant l'entretien avec Ullman, quand Ullman parle de ce qui s'est passé pendant l'hiver 70, il dit que le gardien s'appelait Charles Grady. D'accord. Et quand il parle au fantôme, le fantôme s'appelle Delbert Grady. À nouveau un mystère. Voilà. Mais donc, Delbert Grady, enfin, le fantôme de Delbert Grady, dit à Jack, ton fils a un don, il essaye d'amener quelqu'un de l'extérieur dans l'hôtel, il utilise le N-word à ce moment-là. On va pas développer. Voilà. Et Jack répond par ce même N-word et voilà. Et Grady répond un N-word cuisinier. Voilà. Bon, voilà. Et alors, j'ai une question sur le film. Est-ce que toi, le film te fait peur? Parce que moi, oui. Enfin, moi, personnellement, peur, non, mais il m'angoisse vraiment profondément. Alors, je pense que ça dépend beaucoup des conditions du visionnage. Quand je le regarde chez moi, deux jours, non. Oui, bah... Quand je le vois en salle, il me met mal. Il me met bien mal, ouais. Je sais que parce que beaucoup de gens le considèrent comme sûrement terrifiant aujourd'hui, mais je me demande s'il vieillit pas un tout petit peu sur ce point-là. C'est plus une interrogation qu'une affirmation. Parce que tu vois, typiquement, je peux affirmer... Je trouve que l'Exorciste 1 vieillit un petit peu sur ça. Je trouve que Halloween de Carpenter ne vieillit pas. Si tu vois dans les bonnes conditions, il est terrifiant. Le Shining, je pense qu'il vieillit un tout petit peu. Ouais, et Halloween, faut pas le voir en salle avec des gens de 18-20 ans. Ah non, non, non, non, non, non. Je l'ai fait. Surtout pas ça. Je l'ai fait, on l'avait projeté aussi des clubs de mon école de ciné. Et l'erreur. L'erreur, c'est-à-dire que tout le monde se tapait des barres parce que oui, ça surjoue. Bah oui, c'est... Mais en même temps, c'est des acteurs amateurs. Voilà, donc yes, yes, yes. Voilà. Et oui, il y a des effets un peu kitsch, mais en même temps, vu le budget et vu l'époque. Voilà, c'est ça, ça remet dans son contexte. Voilà, mais évidemment, le voir avec des gens qui ne prennent pas, enfin, qui ne font pas l'effort de prendre ça en contexte, bah, et tout ça n'aide pas. Voilà. Mais du coup, et d'ailleurs, j'y pense, tu vas pouvoir exorciser ton mal parce que tu as vu la mini-série Shining. Putain, quelle horreur. Quelle horreur. Réalisée à nouveau par Réponse, hein, Réponse himself. Hein. Mais j'arrêterai pas de l'appeler comme ça. Si vous voyez une photo de Mick Garris, vous comprendrez. Voilà, alors. Bon, déjà, c'est. Ça a vraiment une gueule de téléfilm. Ça dure quoi? 4 heures? Ça dure. Alors, 3 heures? 3-4 heures? C'est 4 heures, ouais, 4h20, 4h25 dans ces deux-là. C'est, tu l'as vu en entier? J'ai vu en entier, ouais. C'est, bah, c'est en 3... x2 peut-être? Non, non, même pas. C'est 3 épisodes d'1h25, 28. Mmh. Et King adore cette adaptation. Bah, il l'a produite, il est des scénaristes aussi. Ouais, c'est. Toujours voilà. Dans les bons coups. Voilà, alors déjà, c'est moche, c'est-à-dire que, bah, essayer d'avoir des effets visuels. Quand tu as un budget de série télé, de mini-série dans les années 90, c'est moche, et pour le coup, putain, les espèces de haies, d'animaux en haies... Ah, je dois t'admettre que ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu. Qui s'attaque à Danny, c'est moche. Alors déjà, je sais plus qui joue Jack Torrance, mais... alors, il a le mérite, contrairement à Nicholson, bah, d'avoir une tête de Monsieur Tout-le-Monde, ce qui fait que le passage dans la folie est peut-être un peu plus marqué que pour Nicholson, qui a une tête de taré du début à la fin. Alors, c'est le seul. Je viens de vérifier qui l'a joué. C'est Steven Weber. Et sa tête me dit rapidement quelque chose. Effectivement, c'est parce qu'il a joué dans JF Partagerait Appartement, qui est un film que j'aime beaucoup, mais qui a très très mal vieilli. Qui a vraiment très mal vieilli. Il est 1992 et bien millésimé. Ouais. Mais sinon, il a pas. Ouais, il avait. Ouais, si tu veux son CV, Dracula, Mort et Heureux de l'être, Cusco, L'Empereur Mégalo et Living Las Vegas avec Nicolas Cage. Donc oui, Monsieur Tout-le-Monde. Voilà, donc c'est à peu près le seul truc qu'on peut reconnaître, et pas de bol, c'est un truc sur lequel il n'a pas le contrôle, hein, sa gueule. Tristesse. Mais oui, à part ça, bah, évidemment que c'est genre... c'est charisme, c'est Shining sur le charisme. C'est Shining sur tout, quoi. Ce qui est d'autant plus douloureux, c'est quand t'as l'original qui, à nouveau, est formellement très difficilement attaquable, ouais. Mick Garris n'est pas Kubrick, et ça se devine, hein. C'est ça, pour symboliser la grosse différence, je dirais que dans le film de Kubrick, Jack attaque sa famille à la hache, et que dans la mini-série, il l'attaque avec un maillet de croquet. Non. Si. Oh la vache. Parce que là, alors, si vous voulez comprendre pourquoi est-ce que je n'aime pas beaucoup Mick Garris, bon, La Nuit Déchirée, Critters 2, c'est bien lui, je viens de vérifier, mais voilà, c'est lui qui a fait la mini-série The Stand, donc c'est le 2... Le fléau, dans les années 90, qui était très très nul, voilà, ça, déjà, je l'ai vu très jeune, et je trouvais ça très nul, je l'avais en physique. C'est lui qui a fait Psychose 4, le pire film Psychose, et c'est pas peu dire. Qu'est-ce qu'il va se motel ? Alors, j'ai pas vu celui-ci. Je parlais des 4 et le remake compris. Ouais. Et il est meilleur que le 3ème qui est réalisé par Anthony Perkins, c'est meilleur que lui quand même. Il a participé à Nightmare Cinema, je sais pas si tu te rappelles de ce truc. Je me rappelle, malheureusement, de ce truc. Il a deux sketchs cool. Le sketch dans. Oui, mais chez les bigotes là, avec. Oui, réalisé par Kitamura. Ouais. Et le sketch, alors je sais que j'aime beaucoup parce qu'il est très arty, mais le sketch en noir et blanc, qui est réalisé par David Slade. À la limite, ouais. Ah, ça, mais qui a réalisé le meilleur film Twilight, on rappelle. Le 3. Le 3, ouais. Oui, bon, après... Oui, meilleur à l'échelle de Twilight, encore une fois. Ouais, ça, mais après, ouais, après, c'est compliqué, hein, c'est compliqué, mais au moins, on peut lui donner qu'il n'est pas prétentieux, donc... Ça doit être quelqu'un d'éminemment agréable, ma foi. Mais en plus, autre anecdote sur les adaptations en série télé, il y en a une autre qui a eu une très mauvaise adaptation, qui est Carrie. Donc il y a eu le De Palma qu'on connaît tous, que moi je trouve est un chef-d'œuvre. Oui. J'aime énormément ce film. Il y a eu le remake en 2011 ou 13. 12, ouais, dans ces eaux-là, 13 avec Chloé Moretz. qui était réalisé par une femme, mais je sais plus Oui, qui. j'ai Et plus le le nom. remake, alors, moi je le trouve vraiment très mauvais, mais Je sais même pas si j'ai vu en entier le c'est pas remake. le pire remake de cette période-là. Freddy garde toujours la palme, mais il était vraiment nul. Mais au moins il était inoffensif, quoi. C'était juste tu regardes, ça glisse, c'est bon. Mais il y en a eu un dans les années 2000, en 2000 et quelques, qui dure très très longtemps dans mes souvenirs, qui dure 2 heures. Alors je vais confirmer, voilà, qui est réalisé par David Carson, qui dure 2h12, quand Oui. l'original faisait 1h30 et quelques. Ah non, l'original il fait pas loin de 2 heures, je crois qu'il fait 2h50. 1h30, je viens de vérifier. Ah ok. Mais là, qui donc dure 2h12, alors qui a un truc sympa, c'est que la scène du massacre est assez graphique. Ok. Mais disons qu'il n'a aucun intérêt. Il y avait également eu d'ailleurs, je pense, une suite à Carrie qui s'appelle Carrie 2, la haine, Ouais. et qui a une scène de massacre très rigolote où elle devient littéralement goth. Ok. Dans l'espace de 2 minutes, hop là, goth, et elle a des tatouages en forme de ronce sur les bras. Bref, est-ce qu'on a terminé sur Shining? Parce que là, sur les éditions physiques de Shining, je pense que c'est genre tout et n'importe quoi. Là, Oui, c'est, voilà, c'est-à-dire elle est à la que. Fnac dans le rayon S, il est là. Hein, C'est ça, où il y a. Alors, perso, je l'ai en 2 éditions, dans un coffret d'adaptation de Stephen King, un coffret Blu-ray Rickin. Alors moi j'en ai un français, et dedans j'ai Shining, ça, et je sais plus les deux autres, je crois que j'ai Misery dedans, et Ligne Verte sûrement en dernier. Ok, moi, c'est un coffret, il y a 8 films dedans. Il y a Les Évadés, La Ligne Verte, ça, l'original, Cat's Eye, Oh la vache. Salem's Lot, Shining, et j'ai plus les deux autres en tête là. Creepshow, et Salem's Lot, l'original. Ouais, donc là de Tobe Hooper. De Tobe Hooper, ouais. Ok. Et il y en a un dernier que j'ai plus en tête. Mais en gros, je l'avais pris pour deux raisons. Shining en version intégrale, et Creepshow en VF. Spoiler, il n'était pas en VF dans le coffret. Et c'est un Et c'est un échec. échec, voilà. C'est-à-dire que Creepshow, je l'ai en plusieurs éditions. J'ai un coffret DVD d'adaptation de King, où il y a. Alors. J'en ai vu que un dans l'eau, mais il y a Dolores Claiborne, Cat's Eye, Dreamcatcher et Creepshow. Dreamcatcher, Le moyen de Freeman Sourcil. alors ça les extraterrestres Ah, mais de voilà, il y a Dreamcatcher dans le coffret, ouais, Blu-ray. les aliens Voilà. du cul. Ouais, si vous avez vu le film aussi, vous comprenez. Hein, les toilettes, c'est un peu Ghoulies, mais en pas cool. Voilà. Donc j'étais dit sur là pour Creepshow. Je l'ai pour. J'ai le Blu-ray simple US. J'avais pris ce coffret-là du coup pour l'avoir en En VF et il intégrale. n'y était pas. Et il y a quelques mois, je suis tombé sur le DVD français dans un book-off. Et ça, c'est toujours les bonnes Voilà, astuces. la seule édition qui comporte une VF pour Creepshow, si vous voulez savoir. Ok, alors ensuite, donc on passe au film suivant. Bah, qui est Creepshow, Ton justement. petit chouchou. Mon petit chouchou. Alors, Creepshow. Le réal, le réal, le Alors, réal. attends, les petits titres alternatifs. Opéra de la peur. Voilà, alors j'ai zappé tous les titres qui comportaient genre des variantes de spectacle et de peur. Ok. Parce que voilà, mais sinon, Creepshow, le festin de la terreur en Argentine et en Uruguay. Histoire à mourir debout au Québec, qui est magnifique ce titre. Creepshow, chose de la nuit en Finlande. L'heure des sorcières incroyablement folle en Allemagne. Le livre des histoires d'horreur en Hongrie. Le kaléidoscope d'horreur en Lituanie, en Ça, Ukraine c'est et en sexy, Russie, ça. il est génial, le kaléidoscope d'horreur, j'adore. Musée de l'horreur au Mexique, histoire de cauchemar, ou alors nuit de la créature en Pologne, spectacle de fantômes à Taïwan et spectacle anormal au Vietnam. À deux doigts de s'appeler Paranormal, hein, c'est Paranorman aussi. Alors, très bon film, Paranormal. Non, Je... Paranormal, le film de Laika, pas. Oui, parce que oui, non, Oui, il y pas a un autre Paranormal film Activité. paranormal avec Norman qui lui est Non. autrement plus compliqué. Voilà, donc film sorti le 20 mai 82 au Festival de Cannes, dans un premier temps. Il est sorti à Cannes. Il est sorti à Cannes. Bah, Putain. Romero, on est 5 ans après Zombie, à ce moment-là. Ok, d'accord, donc c'est pour ça. Voilà. Mais du coup, ça me fait rire d'imaginer des gens sur la croisette. T'imagines Tom Savini sur la croisette? Oh, c'est beau. Oh, si seulement. première sortie, donc c'est aux US le 10 novembre 82. Alors, fun fact, il ne sort pas pour la période d'Halloween, pour la simple raison qu'il avait peur de se faire concurrencer par Halloween 3. Le sang du sorcier? Ouais. Happy, happy Halloween. Voilà, De rien. ironique parce que quand même sacré bide commercial. Creepshow? Non, Halloween Halloween 3? 3. Oh oui, qui a failli tuer la franchise. C'est ça. Et c'est pour ça que le 4 s'appelle le retour de Michael Myers. Et c'est Genre, pour ça que. promis les gars, il est là. Voilà, et c'est pour ça que Promis. Carpenter a quitté la saga parce que. Fun fact pour Halloween 3, alors on en parlera peut-être dans le prochain épisode. J'espère. Mais en gros, Carpenter tue Michael Myers à la fin de Halloween 2. Alors il le réalise pas. Alors, il le retue, parce que déjà à la fin d'Halloween 1, tu peux. Oui, mais il s'évade. Enfin, le cadavre est plus là. Là où il est littéralement au feu à la fin d'Halloween 2. Ouais, ça, depuis, il a survécu à peu près 10 ou 12 morts différentes. Dont une décapitation. Voilà. En fait, c'était pas lui, on avait changé les masques. Ça, c'est. Source, t'inquiète. T'inquiète. Redcon par la bonne résurrection, putain de merde. Mais en plus, on avait. Du coup, on a raté potentiellement Halloween anthologique. C'est ça. Donc, Carpenter dit, je veux bien rester sur la saga. Donc, il dit ça à Mustapha Akkad, il dit, je veux bien rester sur la saga, mais... On fait une anthologie. C'est ça. On arrête Michael Myers, on fait une saga anthologique où chaque film est différent. Ce qu'est la saga Cloverfield aujourd'hui, en fait. C'est ça. Et où chaque film a juste comme dénominateur commun la fête d'Halloween. Mm-hmm. C'est tout. Mustapha Akkad dit, ok, il faut Halloween 3, bite commercial, parce que pas Michael Myers. Mm-hmm. Et surtout que le film était... Enfin, le film est quand même particulier à appréhender, quoi. C'est... Ouais, mais il reste très bon. Ah, mais non, le film est super, on est d'accord, mais c'est, on va dire, c'est. Je peux comprendre que si t'y vas en t'attendant à Halloween, en ayant vu les deux premiers, t'y vas sans trop savoir, tu te retrouves avec des enfants qui se font crever avec des masques hantés, bon. Voilà, c'est comme cette meuf qui avait porté plainte contre la prod de Drive. Je sais plus qui avait produit Drive. Qui produit Drive, je sais. La boîte qui produit Drive, parce que, en gros, ils avaient marketé ça comme. Fast and Furious, ouais. Et elle a gagné ce qu'on sait. Ma foi. Les États-Unis. Mais donc. Creepshow. Alors, du coup, qui sort en France le 22 juin 1983, mm-hmm. donc un an après, réalisé par le George grand... A. Romero. George Romero, voilà. George Romero, alors, qui se fait connaître. Ouais, son premier film, c'est l'incontournable La Nuit des Morts Vivants en 68. Mm-hmm. Ouais. Bon, par contre, là, on parle de films qui ont vieilli, ne nous mentons pas. À découvrir aujourd'hui. Surtout après tous les zombies qu'on a eu, oui. ça peut être un peu compliqué. Oui, moi, mais... personnellement, je préfère le remake, La Nuit des Morts Vivants. Lequel? Le Tom Savini. Oui, ok, parce qu'il y en a eu en 3D en 2006. Non. Le Tom Savini en 90, je crois. Alors, tu sais pourquoi il a produit ce remake, Romero? Parce qu'il il y a une faute d'orthographe dans l'enregistrement des droits, et du coup, il a jamais touché une thune sur son film, et il voulait faire un remake pour pouvoir récupérer l'argent. C'est ça, le film a toujours été dans le domaine public. Dans le domaine public, et c'est pour ça, d'ailleurs, que dans énormément de films d'horreur, quand t'as un film à la télé, c'est Uno Sferatu de Murnau, ou ça. Oui, et c'est aussi pourquoi... Il y a énormément de films d'horreur avec La Vie des Morts Vivants en bonus. Ouais, parce que t'inquiète. C'est ça. C'est... Bah, on est généreux, quoi. C'est ça. Typiquement, j'ai ça sur Le Retour des Morts Vivants. En deux clics sur YouTube, vous avez le film. Hein, genre, c'est ça. Vous avez le film proposé par plusieurs chaînes, je pense. Et il y a d'ailleurs une version colorisée aussi du film sur YouTube. Que je ne veux pas voir. Parce que pour moi, le film est trop... Je sais pas, je suis pas sûr qu'elle gagne en intérêt à être en couleur. Bah, y a qu'à voir les maquillages des zombies dans Zombies, justement. Voilà. Alors, moi, j'aime bien, j'adore Zombies, mais... Oui, mais tu sens que c'est des maquillages faits pour du noir et blanc. Bah, alors, oui... Ouais, oui. Mais j'allais défendre le film, mais effectivement, en fait, après Zombies, il y a toute l'histoire avec les deux montages, de Romero et d'Argento. Oui. Mais moi, je préfère l'Argento. Bref, Romero. Romero, donc, immense carrière, La Nuit des Morts Vivants, Zombies... Le jour des morts vivants, très sous-estimé. Même si on quitte les zombies, il y a Bruiser. Incroyable film, beaucoup trop sous-estimé Bruiser, ça me fait chier que personne ne reconnaisse ce film à sa juste valeur, alors que, en plus d'être, je trouve, une des meilleures variations sur le thème du slasher, et qui est bien variation parce que c'en est un sans vraiment en être un, c'est un des meilleurs films sur ce que le grand capital peut faire à des gens. Genre, je trouve ça passionnant comme film, Bruiser, c'est trop bien. Et même, enfin, Knight Rider, c'est, moi j'adore le film. J'ai pas encore vu celui-là. Incident de parcours. J'aimais le film en anglais. Monkey Shrine. Oui. C'est super. Martin, c'est le film de vampire qui est super. Ouais, Martin qui a eu un remontage par Argento juste pour la sortie italienne. Ça, je savais pas. Ça, je savais qui s'appelle Vampire. Vampire. Avec un W avec un Y. Ok. Le film de sorcière. Le seul que j'aime pas vraiment de lui, c'est There Always Will Be Vanilla. There Will Be Vanilla. Something with Vanilla. Ouais, there's always something with Vanilla. Ouais, c'est ça. Bah, bref, le truc avec Vanilla, ça, j'aime pas beaucoup. Mais sinon, vraiment, Romero, mais quel... Enfin... Ah, mettez du respect sur Romero, parce qu'il n'a pas fait que les zombies. Et The Dark Half, La Part des Ténèbres, mon dieu, comment j'ai barré. Sacoréal avec... Bah, qui est aussi adapté de King, d'ailleurs. Sacoréal voilà. Avec Argento sur... Cat's Eyes. Non, sur Deuxième Maléfique. Deuxième Maléfique, oui, pardon. Ou d'ailleurs, son segment est pas dingue, mais la fin est incroyable. La fin est incroyable. Donc, le scénario est écrit par Stephen King. Mm-hmm. C'est d'ailleurs la seule fois... C'est le seul film de Romero... Où il ne participe pas au scénario. There's always Vanilla, je viens de le retrouver. Ok, bien joué. Donc oui, c'est le seul film de Romero où Romero n'est pas scénariste. Ah ouais? Ouais. Ok. Bah, sachant que même en tant que scénariste, il est hyper solide. Enfin, pour moi un de ses films les plus sous-estimés en tant que scénariste, bah, c'est un des zombies, mais c'est Land of the Dead, qui en plus de développer un univers hyper intéressant, même si assez limité, on sent qu'il manque pas mal d'éléments, il y a plusieurs idées de scénario, toujours en gardant cette envie de cinéma bis et cette consonance sociale qu'il avait, qui sont hyper pertinentes et hyper malines. Vraiment, c'est complètement dingue. Et même dans Survival of the Dead, qui est, disons-le, raté, en tout cas, je trouve que c'est un de ses plus mauvais films, t'as plein d'idées super pour parler de la société à travers le personnage du zombie. Enfin, vraiment, c'était très, très, très, très fort là-dessus. On le sous-estime beaucoup, je trouve. Ouais, et alors, il y a aussi les films de Romero un peu perdus, c'est-à-dire Amusement Park, ouais, qui est retrouvé récemment. Mm-hmm. Et alors, il y a Jacaranda Joe. C'est un court-métrage sur une espèce d'homme ermite plus proche du singe. En fait, ce qui est hyper triste avec Romero, c'est que un peu comme Wes Craven a toujours voulu sortir de l'horreur, et mon Dieu, il a bien fait de jamais en sortir, parce que la seule fois où il l'a fait, c'était quand même catastrophique. Romero, il a toujours voulu sortir du zombie, mais ça n'a jamais vraiment marché pour lui, et c'est bien dommage. Oui, et alors surtout, Jacaranda Joe, c'est un film dont les droits sont détenus par l'Université de Pittsburgh. Et qui refuse de sortir le film. Donc t'as que les étudiants là-bas qui peuvent le voir. T'as ça, et il y a eu une projo en ligne, publique, où il fallait juste s'inscrire, mais avec des places limitées. Oh putain. Et alors j'ai voulu m'inscrire, mais évidemment en France ça aurait été genre à 5h du mat. Je l'aurais fait. Quoique, il date de quand le court-métrage, on sait 94 je crois. Ah ouais, donc milieu de carrière pour lui quand même. Ouais. Là j'ai envie de le voir. J'aurais été curieux aussi. Là, je vais faire un petit aller-retour à Pittsburgh et je vais aller toquer à la porte, s'il vous plaît. Mais comment les droits sont allés là-bas? Je sais pas. Moi, en affaire de droits perdus, s'il y a Vampire, vous avez dit Vampire 2. On sait que les droits sont en Espagne, mais on sait pas où. Les droits sont perdus. Mais du coup, tu peux sortir techniquement le film comme tu veux, ou non? Non. Mais du coup, qui t'attaque pour les droits? Ah bah, je sais pas, essaie de le sortir, fais-toi attaquer, on verra. Ok, bah vas-y. Non mais c'est Vampire, vous avez dit Vampire 2, un jour, peut-être il se passe en bonne période, pas sûr. Mais, film très sympathique, si on n'a pas vu le premier, mais qui est aujourd'hui introuvable. Hyper chiant à trouver, et en ligne très facilement trouvable, mais en physique, horrible à trouver. Et alors, il y a des Blu-ray US. Il y en a, mais ce que c'est que t'as aucune sortie récente. Il est pas ressorti, c'est très très chiant à faire. Alors, à la musique, on a John Harrison, l'excellente musique de Creepshow. Alors, à la composition pour l'excellente musique du film, on a John Harrison. Alors, rien à voir avec George Harrison. Ouais, j'allais dire, je connais ce nom. Mais donc, il était compositeur sur Day of the Dead de Romero, sur Dark Side, les contes de la nuit noire, qui aurait dû être... Incroyable film, qui est très cool, sketch, et qui aurait dû être Creepshow 3. Alors, on va en reparler justement de Creepshow 3, on vient d'en parler hors antenne. Ouais. Et on retrouve d'ailleurs aussi à travailler sur 9 épisodes de la série Creepshow, 7 qu'il réalise, 1 qu'il écrit, et 1 qu'il écrit et réalise. C'est Creepshow, alors... que je n'ai pas vu, que t'as vu un petit peu, on en parlera juste après. J'ai vu quelques épisodes de la saison 1. Je sais qu'elle a plutôt bonne réputation. Ouais, bah il y a déjà 3 saisons, donc ça veut dire qu'elle a un public. Qu'elle fonctionne bien, mais j'ai essayé de lire 2-3 trucs dessus, visiblement elle se tient plutôt bien, elle arrive à capturer l'essence très particulière qui fait le film original. Donc non, je serais curieux de la regarder à l'occasion. Et du coup, alors, il écrit et réalise aussi des épisodes des mini-séries Dune et Les Enfants de Dune, au début des années 2000. Les Enfants de Dune, c'est trop bien. Dune, la mini-série, j'ai pas vu, mais Les Enfants de Dune, c'est exceptionnel. Ok. Il réalise l'adaptation de Book of Blood de Clive Barker. Suivant. Et on le retrouve aussi au scénario d'un classique Disney. Lequel? Dinosaure. Aladdin? Ouais. Oh, j'ai un boomerang qui m'est revenu en tête, ça faisait 15 ans que je l'avais lancé, waouh. Avec les Carnosaures, en gros c'est des T-Rex avec des cornes. Carnotosaure? Je sais plus. Non, Carnosaure, c'est la saga, merde. Oui, je pense que c'est bien Carnotosaure. Non, je vais retrouver ça. Les Allosaures? Non, les Allosaures, c'est des herbivores. Non, les Allosaures, c'est... Je suis à peu près sûr. Bah, un Allosaure, ça ressemble à un T-Rex. Je suis pas expert en... Vas-y. Les Carnotaures, je crois que c'est ça, vas-y. T'inquiète, okay. Je vais trouver. Et donc, évidemment, comme à peu près n'importe quelle personnalité du milieu de l'horreur dans les années 80 et 90, ben on le retrouve à écrire des épisodes, et à réaliser des épisodes, des contes de la crypte et de Tales from the Dark Side. Les contes de la crypte, faudrait faire un audit un jour complet, mais il y a trop d'excellents réels qui sont passés dessus. Je crois que le pilote est réalisé par Robert Zemeckis. Et il y a moyen. C'est, genre, les contes de la crypte, je regarde pas beaucoup de séries, parce que j'ai pas le temps, mais c'est la seule série que j'ai revue plusieurs fois, et c'est toujours exceptionnel. Vraiment, les contes, les contes de la crypte, je sais que toute la série n'est pas éditée en France, il manque les dernières saisons, mais c'est incroyable. Et même encore aujourd'hui, ça fonctionne hyper bien, enfin c'est trop bien. Alors je sais que j'ai vu quelques épisodes par-ci par-là, notamment l'épisode sur ce mec qui... qui veut se débarrasser de sa femme. Oui, bah qui est connu. Et où en gros à la fin. C'est bien les Carnotaurs. J'ai vu. Il la bute en la défenestrant et elle est défigurée tout ça. Mm-hmm. Ah mais c'était vénère les contes de la crypte. Hein. Bah, c'est pas drôle. Et puis pour le coup, je pense que la meilleure adaptation de Creepshow en série, alors j'ai pas vu l'officiel, mais ça peut être les contes de la crypte. Ça se défend. Et à la photo, on a Michael Gornick. Alors, il a été chef op seulement chez Romero sur 5 films, donc Martin, Zombie, Knight Riders, Day of the Dead et Creepshow. Donc il a déjà tout mon amour et mon affection. Voilà. Mais surtout, il se fait connaître en tant que réalisateur sur la série Tales from the Dark Side, encore une fois. Il réalise aussi des adaptations de King, notamment Golden Years et Golden Tales. Mm-hmm. Et il réalise Creepshow 2. Ah, c'est de là que je... Ok, parce que je voyais son nom sur... Ok, Creepshow 2, alors on reviendra dessus juste après aussi. Voilà, et il produit aussi d'autres adaptations de King, notamment Le Fléau et Les Langoliers. Donc le Fléau, la série pas le... La mini-série, oui. Ok, la mini-série et Les Langoliers... Oula, Les Langoliers, c'est... Ah, il y aurait beaucoup de choses à dire dessus. Très compliqué aussi. Alors bah, globalement, c'est une espèce de quintessence des 80s, Creepshow, c'est-à-dire que Romero, King... Il n'y a pas beaucoup de monde qui font plus 80s que ça. Mm-hmm. Et surtout au cast, bah, Leslie Nielsen. Alors qui certes se fait connaître avec notamment Planète Interdite dans les années 50. Scary Movie 5. Voilà. Non, il n'est pas dans le 5. Pardon, dans le 4. 3 et 4, ouais. Ouais, malheureusement. Mais qui a surtout joué chez les As. C'est ça, c'est-à-dire qu'il explose vraiment pour des rôles comiques chez les As, notamment avec Airplane et surtout avec Les Y a-t-il un flic. Mm-hmm. Et je crois que je suis en train de vérifier, mais il joue aussi dans le Bal de l'Horreur. Oui, c'est vrai, il joue dans le Bal de l'Horreur avec Jamie Lee Curtis. Mm-hmm. Mais il se fait aussi reconnaître dans les années 2000, notamment pour ses films de David Fincher. Un petit twist moral qu'il a eu. En gros, c'est devenu un facho, quoi. En tout cas, il était pote avec un facho réac. Ouais. Bah, il a tourné dans peut-être un des trucs les plus réacs que j'ai vu de ma vie. American Carol. Ouais, un American Carol qui est. Non, mais tu sais, les pères fondateurs qui font non, mec, l'Amérique, c'est trop cool et tout. Non, c'est. Non, surtout, un film qui te dit si tu dénonces les travers de l'Amérique, c'est que t'es pro-terroriste. Oui, donc on peut le considérer comme. Bon, en tout cas, il a des pensées qui sont. Avec lesquelles nous ne sommes clairement pas en accord. Voilà. Donc, on retrouve aussi Adrienne Barbeau au casting. Mm-hmm. Donc, Argo, Judge Dredd, Swamp Thing, Deuxième Maléfique, mais surtout, qui est connu pour les films de son mari de l'époque, à savoir, en toute simplicité, John Carpenter. Bah, c'est elle dans. Je suis en train de vérifier, ouais, c'est elle dans The Fog et dans The Thing. Alors, dans The Thing, elle fait la voix ouais. De l'ordinateur. Mais aussi, bah, dans Escape from New York. Voilà. Et dans le meurtre au 43ème étage aussi. Ah, donc le téléfilm qu'il avait. Qu'il fait juste avant Halloween. D'accord. C'est ça, produit par Warner d'ailleurs. Et on la voit d'ailleurs dans le 3ème In Search of Darkness. Je suis en train de vérifier. Ok. Ok. On retrouve aussi Ed Harris, donc Truman Show, Loveless Bidding, Top Gun Maverick, Abyss, bref, carrière. The Rock avec Nicolas Cage, c'est bon. Carrière longue comme le bras. Stephen King au casting. Qui joue pas si mal et qui est surtout. Alors j'allais dire qu'il est le seul acteur de son segment, mais non. Non, t'as l'acteur du vendeur là. Il y a l'acteur du. Non, du. Oui. Du spécialiste en météorite. Oui, du spécialiste en météorite, ainsi que du mec qui joue son père dans le reflet, et aussi il y a une scène coupée où il va voir un médecin. Ah, je savais pas. Et où le médecin lui dit ah, bah on va devoir amputer. Non, vous avez aussi ça. Oui, non, mais non, elle est pas coupée celle-là, oui, il va voir le médecin. Et mais donc, il y a. Et donc aussi, bah, Tom Savini, accessoirement. Tom Savini, et ben j'allais dire, il y a un autre Tom très connu qui est Tom Atkins, voilà. Voyait dans Halloween 3. Tom et... Moustache Atkins. Oui, alors, oui. Voilà, donc Deuxième Maléfique, Brother, Escape from New York, Maniac Frog, Cop. L'Arme Fatale, Maniac Cop, Halloween 3, la 9ème configuration. Voilà, j'allais dire surtout la 9ème putain de configuration. Ça, dans le royaume des films sous-estimés, il se pose là lui aussi. Voilà, et donc on a Tom Savini au casting aussi, qui fait juste un caméo en tant qu'éboueur, mais qui est chargé des effets du film. Voilà, les années 80, quoi. C'est... Voilà. Et puis, t'as cette photo que j'adore, le côté un peu brumeux de la photo. Moi, c'est un film que j'aurais du mal à voir en ultra HD, parce que j'aime le côté un peu granuleux. Ah, sur l'image. Même en HD, il a ce filtre. Ah, ouais, c'est le film. En fait, c'est un peu nos films de Noël à nous, tu vois. C'est ça. Quoi, sous la couette avec un chocolat chaud, une bière, et c'est très bien, c'est très très bien. Voilà, mais donc Tom Savini, si le nom vous dit rien, bah, il a entre autres fait les effets de. Vendredi 13, Zombie, Day of the Dead, un certain nombre de parcours, Deuxième Maléfique, Maniac. La tête qui explose, c'est lui la tête qui explose dans le film littéralement. C'est lui qui se fait exploser la tête au fusil à pompe. Et non, c'est. Il est trop trop fort. Enfin, voilà. c'est lui, From Dusk Till Dawn. Oui, Sex Machine. Mais non, comment il s'appelle le film en français? Une nuit en enfer. Une nuit en enfer, c'est lui les effets spéciaux. Oui, et Sex Machine. Oui, accessoirement. Incroyable. L'homme avec le pénis en fusil, pistolet. En canon et en fusil en pistolet, ouais. Voilà. Le film avec Salma Hayek. Et avec les couilles en chargeur. Et des pieds. Et Salma Hayek et ses pieds. Ouais, c'est voilà. Et on a aussi un petit rôle. Alors, Tom Atkins joue le père du gamin dans le fil rouge, mais qui joue le gamin? Je sais pas. Joe Hill. Le fils de Stephen King. Ah bah qui est devenu lui-même écrivain. Qui est devenu écrivain. Et qui a écrit Black Phone. Qui a écrit Black Phone. Black Phone, ouais. Qui a écrit aussi les bouquins Lock and Key qui ont été adaptés en série. Oui, effectivement. Netflix. Mais ouais, Black Phone, regarde papa, je fais comme papa. Voilà, alors. Vas-y, lâche ton amour. Ah bah mon amour, bah juste. Légalement parlant. C'est... Et merde, de toute façon, vous pouvez pas voir l'image. Fort heureusement pour vous. Mais bah juste, oui, c'est un de mes films doudou, c'est une espèce de quintessence des années 80, que ce soit par la photo, par le casting, par... Peut-être un rapide résumé des quelques segments. Alors, du coup, c'est un film où un père va confisquer la BD d'horreur de son fils. BD, du coup, qui contient 5 histoires. La première étant... une femme va rendre visite à la tombe de son père pour la fête des pères. Ensuite, on a l'histoire sur un jeune fermier qui trouve une météorite dans son jardin. Mmh. Puis ensuite, c'est les mariés. Ouais, donc c'est un mari, enfin quelqu'un qui a une liaison avec la femme de quelqu'un d'autre et cette autre personne va venir le confronter. Voilà. Une boîte sous l'escalier. Une boîte sous l'escalier, mon segment préféré. Ouais, bah oui, qui contient quelque chose. Voilà. Et les cafards. Voilà, et un homme qui se retrouve victime d'une invasion de cafards. Un médecin hypochondriaque et maniaque de l'hygiène qui se retrouve... Et un connard, accessoirement. Un sacré connard, ouais. Qui se retrouve victime d'une invasion de cafards. Mais donc... C'est trop bien. Crypto, c'est beaucoup trop bien, putain de merde. Voilà, voilà, évidemment. C'est génial, Crypto. C'est vraiment... Mais c'est ça, c'est un film doudou, c'est... Je pense que si vous faites une checklist de années 80, tout est là, mais marqué avec une plume d'oie. C'est marqué à l'encre d'or. C'est... Avec des petites enluminures, vraiment. Voilà, c'est belle croix qui est faite. Quoi. C'est biblique. Mais non, mais vas-y. Le temps que tu serves. Bah, attends, je le pose. Et donc, ouais, tu parlais de quintessence des 80s, mais il y a cette espèce de kitsch. C'est vraiment une excellente comédie d'horreur qui est... beaucoup plus comédie que horreur, mais qui pour le coup avait quand même fait flipper le mois de 10 ans qu'il a vu. Bah, c'est notamment plus... avec le sacrement de la caisse. Bah, c'est plus comédie que horreur, mais ça prend pas l'horreur en ridicule. C'est pas ce que peut faire. Bah, vas-y, je lui lâche la balle. C'est pas ce que peut faire par exemple Jeff Wadlow. Bah, mais je sais que j'aime bien beaucoup taper sur lui parce que c'est vraiment une tête extrêmement frappable. Mais typiquement, tu prends le mauvais esprit d'Halloween qu'il avait avec Marlon Wayans. Ah, j'ai pas encore vu. Bah, je déteste pas le film. C'est peut-être, je trouve, le meilleur qu'il a fait, mais bon. Quand on voit le niveau des autres, on va en parler en fin d'année de Jeff Wadlow, mais ouais. Quand on voit le niveau des autres, c'est peine de mort. Mais en fait, le problème de la comédie d'horreur actuelle, c'est souvent le reproche qui lui est fait, et je trouve à raison, c'est que c'est souvent soit très comique, et l'horreur est complètement tournée en ridicule, soit très horrifique et pas drôle. Et il n'y a que quelques films qui arrivent à faire ça, bon, Shaun of the Dead évidemment, mais c'est pour ça que Creepshow surnage d'autant plus aujourd'hui, c'est qu'il prend ses deux thèmes très au sérieux, c'est que s'il veut te faire rire, il le fait. Mais s'il veut te faire flipper, bah tu vois que t'as des effets spéciaux qui fonctionnent. En plus, des effets spéciaux pratiques, mais ils sont sublimes. On va en reparler des effets pratiques. Ouais, ça, et il y a un premier degré latent qui, malgré tout, permet à l'aspect horrifique de fonctionner. Ouais. Et donc, oui, c'est... Puis surtout, enfin, premier degré, mais... Tu rejettes cette espèce de kitsch. Mmh, oui, bah comme je pense quasiment 90% de la production des années 80. Hein, mais, c'est ça. Mais pas le mauvais kitsch. Oui, c'est pas un kitsch en mode... Bon, oh, ouais. Des néons, un morceau. Ah là, blablabla, les néons, un morceau de. Ouais, pas Offspring, mais genre je sais pas, un morceau de Bon Jovi, hop là, ouh, les années 80. C'est... Non mais oui, alors. En plus, le film fait 2 heures, ça peut rebuter, mais pour le coup. Ça passe tout seul. Ça passe tout seul, c'est vraiment des segments très digestes. T'en as... La plupart sont assez courts, et il y a vraiment le segment de la caisse qui, par contre, fait entre 30 et 40 minutes. Qui fait. Alors, je l'avais timé hier soir, mais qui fait, ouais, 36-37 minutes, je crois. Voilà. Là où bah, typiquement le segment le plus court c'est celui avec Stephen King, mm-hmm. qui en fait autour de 10 je crois. Un petit peu plus quand même. 12-13 Ouais dans ces eaux là, mais qui à nouveau tout en fait tout s'enchaîne tellement bien que t'as jamais. C'est souvent à nouveau un des problèmes du film à sketch, mais bon, on avait déjà parlé de plusieurs films à sketch, mais aujourd'hui dans les films à sketch t'as souvent un ou deux segments qui surnagent. Et le reste, ça galère un peu. On peut penser, ouais. Je pense notamment à VHS 94, où t'as un segment qui est incroyable, qui est littéralement une adaptation de Doom, faite en plus par Timo Giacinto, donc tu te doutes que ça va être génial. Mais tout le reste galère un petit peu. Là, tout est très harmonieux. Voilà, tout est très harmonieux dans l'ensemble, et c'est hyper agréable à voir. Ouais. Et donc, évidemment, ce qui est pour moi la plus grande qualité du film, c'est évidemment ses effets pratiques. Made in Tom Savini, alors... Il y aurait mille anecdotes à dire sur ça, notamment le fait que la créature de la caisse s'appelle Fluffy. Alors qu'il a pas l'air très très très Fluffy. Hein, non, et alors surtout, c'était le premier animatronique créé par Savini. Oh, il l'avait jamais fait avant. Il démarre bien. Hein. Il démarre bien, mais surtout, il avait demandé conseil à Omega Hazard Robotine. Ouf, ça, quand tu demandes au bonhomme qui a fait possiblement le plus grand animatronique de tous les temps, c'est The Thing, ça va. Et surtout, alors... Il a choisi le nom Fluffy pour la créature, et il se trouve que au début du film, il y a un squelette qui apparaît à la fenêtre du gosse. Mm-hmm. Le squelette s'appelle Raoul. Mais en plus, t'as de l'animation dans le film, ça qui est super. Oui, oui, il y a plein d'éléments d'animation qui renforcent le côté comics. Un peu kitsch, et ouais, comics évidemment, et avec tout le film est globalement construit comme un immense hommage à ces comics des années 50-60. Oui. Même si j'ai une théorie sur ça. Et alors, il y a mille anecdotes sur le film, notamment le fait que alors le segment avec les Simpsons devait se terminer à la base sur des policiers qui arrivent chez lui, qui lui. Et il dit. Il y a des morts vivants qui m'ont attaqué! D'accord, mais. Genre, c'est vrai? Oui, je l'ai sur VHS! Et en fait, il montre par erreur la VHS où il explique en gros son plan au mec qui s'apprête à buter. Oupsie! Voilà, il y a aussi le fait que, bah. Sur le plan où le mec est enterré dans le sable, pendant les répètes, Leslie Nielsen avait une machine à prout. C'est très Leslie Nielsen, hein. C'est... Voilà, mais ce qui faisait éclater de rire Ted Danson, donc l'autre acteur et l'équipe technique. Et une autre époque. Une autre époque. C'est, alors, le film a rencontré un succès quand même assez. Pour un film de cette envergure, assez remarquable. Et c'est surtout le seul film de Romero où il a été numéro 1 au box-office lors de son week-end d'ouverture. Oh, bah après, d'autant plus qu'aujourd'hui. C'est un des seuls films de Romero hors zombie qui a reconnu comme ayant un vrai statut culte. Ouais. Ce qui, quelque part, fait du bien. Ouais. Alors, dans le premier segment, on a le cendrier qui sert à tuer le beau-père, mm-hmm. qui est présent subliminalement dans chaque segment. Oh, ça, j'ai pas du tout fait attention. Je l'ai pas vu non plus. Et voilà. Alors, pendant une pause sur le tournage, on a dit que Jory, donc le fils de King, jouait dans le film. Ouais. Il y a une pause sur le tournage où Stephen King emmène Jory. Un Mac Drive. Ok. Et sauf que Joe Hill, pour la blague, était couvert de faux bleus, de fausses griffures, et la caissière au Drive a cru qu'elle expliquait. Ah putain. C'est... Quelle blague. On parlait du segment des cafards. Pour le coup, le segment des cafards a été modifié par rapport au scénario original. Pourquoi? Ça devait se passer dans une espèce d'énorme penthouse. Ok. Sauf que, bah. Contrôler des cafards dans un espace comme ça. Ouais, bah c'est compliqué. Ouais. C'est complicado, surtout que bah, les cafards, c'est l'espèce de lapin du règne insectoïde. C'est-à-dire que bah, t'en laisses un et le lendemain t'en as 1000. Et donc ils ont opté pour un lieu plus restreint, plus confiné et surtout. Bah, plus facile à maîtriser. Ouais. C'est ça. Et aussi. C'est peut-être pour ça que tout est blanc d'ailleurs dans le segment pour les repérer plus facilement. Même aussi, si l'effet horrifique fonctionne hyper bien. Ouais. Il y a une musique qui joue dans le film, la musique qui joue dans ce segment qui est la même que dans le générique de fin d'Evil Dead. Alors ça, j'avoue, je l'avais pas percuté. Moi non plus. Et surtout, alors, dans une interview, King et Romero ont avoué que si le segment des cafards avait été trop ambitieux à faire, mm-hmm. ils auraient opté pour l'adaptation d'une nouvelle de King. Laquelle? L'Autostoppeur, qui se trouvera être le segment final de Creepshow 2. Ok. À toi, qu'est-ce que t'as à dire sur... Creepshow, effectivement, c'est vraiment tout... C'est l'archétype du film des années 80 hyper confortable. Et à nouveau, on est les premiers à aimer cette horreur des années 80 qui est pleine de défauts. Je veux dire, à nouveau, je défendrai jusqu'à ma mort plein de films de la saga Vendredi 13, alors qu'ils ne devraient pas forcément être défendus, sauf le 5. Le 5, que je trouve vraiment calamiteux. Mais même dans cette zone-là, à nouveau, oui, j'adore Vendredi 13-4, Vendredi 13-6, Vendredi 13-7, tous les Freddy de cette période-là, il y a... C'est vraiment une époque... Même le 6, que je ne comprends pas, d'ailleurs. Oh, mais le 6, c'est très bien, le 6, c'est très bien. Johnny Depp, qui était au sommet de sa cocaïnomanie, qui te fait un spot anti-drogue, mais Qu'est-ce qu'il te faut de plus? Freddy qui pousse, qui fait Sisyphus, tout ça sur... ça, c'est... Vraiment, j'adore. Alice Cooper en... Oui, oui, bah voilà. Donc, en c'est père de Freddy. Mais bah, en fait, c'est... Je sais pas, c'est une époque qui touche une corde, qui moi me touche beaucoup, en tout cas, et qui nous touche beaucoup, je le sais, et qui en plus... C'était une époque où on n'avait pas peur, alors, sans tomber dans C'était mieux avant, il y avait plein de merde aussi à ce moment-là, hein, mais... On avait pas disons peur. Que le temps fait son travail de tri aussi. Voilà, c'est ça, et qu'on retient majoritairement les bons. Et c'est, on n'avait pas peur d'y aller vraiment dans le gore, on n'avait pas peur d'être un peu immoral sur les bords. À nouveau, genre la, moi, le segment de, du mari qui vient confronter les, la, sa femme et son amant, et il met quand même particulièrement mal à l'aise sur toute sa première partie. Et en même temps, c'est un film qui va brasser énormément de choses avec bah, du coup ce premier segment très zombie, très bah, très premier degré en fait, le, alors à part le je veux mon gâteau que le mort-vivant répète en boucle, mais qui est très premier degré, le deuxième avec la vague, enfin avec la, parce qu'en fait le, en anglais il s'appelle There's to tide you over, et, tide. Ouais, le deuxième c'est celui des amants, c'est pas celui de King. Si, non, pardon, le troisième, celui des amants. Enfin, donc t'as le deuxième qui est, que je soupçonne et que je me souviens peut-être aussi touchant, parce que j'ai vu le film en VF, je l'ai découvert en VF, et la VF est super d'ailleurs. Oui. Et ce que j'ai trouvé assez touchant, en plus d'être particulièrement glauque sur tout le passage avec King, et qui en plus est cohérent vis-à-vis de l'œuvre de King, parce que c'est quelqu'un qui, bon, j'en parlerai, parce que pour moi ça se voit notamment sur The Mist, mais qui a toujours été extrêmement attaché à... aux petites gens qui définissent l'Amérique et qui se font miroir d'une société plus globale, et on le retrouve dans le rôle qu'il joue là, donc le troisième avec les deux amants, celui de la caisse qui 40 minutes, mais faites-moi trop plein de films comme ça, ça, oui, ça, passe, ça passe comme deux. Tellement satisfaisant aussi. Et en plus, assez immoral, donc on ouais. joue sur ça. Donc, tu peux tuer ta femme si elle est casse-couille. Bah, franchement, parce... non, c'est hyper satisfaisant, et en même temps, cette espèce de cohérence de ton global hyper touchant, moi ça m'a rappelé. Alors. Je n'ai pas grandi avec les comics d'horreur des années 50 à mon grand désarroi, mais ça m'a rappelé Chair de poule. Les bouquins Chair de poule, que j'ai lu, je crois que j'ai dû lire chaque tome au moins 3 ou 4 fois, j'en ai beaucoup donné au CDI là-bas, alors là, ils y étaient pas souvent, je peux le dire. Hein. Mais je disais ça, donc pour ceux qui ne voient pas, mais si je vous souhaite d'avoir connu ça, c'est une collection de romans d'horreur qui est écrite par Aaron Stein, qui avait fait les Fear Street dont on avait parlé dans un des tout premiers épisodes sur les slashers. Non, sur l'épisode réalisé par des femmes. Fear Street. Mais qui donc qui a été donc la trilogie Fear Street a été adaptée par Netflix et les Chairs de poule qui ont été adaptées en des films. Mais d'abord en série dans les années 90. Ah, je ne savais pas ça. Avec notamment un épisode avec Hayden Christensen. Oh, et un autre avec... avant qu'il soit prostitué par c'est George Lucas. Et un autre avec un tout jeune Ryan Gosling. Oh, qui danse ou pas? Et là t'as la vidéo normalement, la vidéo de Ryan Gosling qui danse. Et non, et donc la série de romans Chair de poule, en fait, c'était souvent tout le temps des romans donc, assez horrifiques qui peuvent faire peur. Il y a certains romans, certains tomes qui m'ont pas mal secoué. Je pense notamment à Jeu mortel, enfin, un jeu de monstres qui m'avait bien secoué. Ou alors tous les romans Horrorland que j'aime beaucoup. J'ai dû en lire un de Horrorland. Mais donc, et en fait, ça m'a redonné exactement ces mêmes sensations. C'était ce côté un peu drôle, un peu goofy, c'est-à-dire c'est drôle et en même temps ça surfe sur un petit malaise et parfois c'est vraiment horrifique. Et donc en fait Creepshow c'est hyper agréable à voir en fait. Ouais. Ça, il n'y a pas de grande analyse à faire sur Creepshow. En tout cas, s'il y en a, c'est à travers disons, certains éléments comme le côté de Stephen King qui juste, enfin, à travers la plume de Stephen King qui va s'intéresser aux petites gens. Mais je pense que Romero a plus voulu faire ça pour s'amuser. Ouais. Et ça se voit même dans tous les cadrages, enfin, tous les usages de cadres tirés du comics qu'il va utiliser, donc c'est hyper confortable, et c'est un film qui se voit vraiment sans mal, enfin c'est ouais, c'est ça, c'est... Enfin, moi je pense, alors, je dirais pas que c'est peut-être un chef-d'œuvre, mais c'est pas loin, en tout cas c'en est pas loin, et c'est un film dont je n'arrive pas à me lasser, enfin je sais pas comment expliquer, mais c'est un film que j'adore montrer également à des gens, mais non, vraiment hyper plaisant, ouais. Hyper plaisant, mais les suites, parce que tu as vu les deux pour l'occasion, parce qu'il y a un Creepshow 2. Alors j'ai pas revu Creepshow 2 pour l'occasion, mais pour le coup, c'est un film que j'ai assez bien en tête. Alors celui-là, il est plus court, il fait autour d'une heure 20, 1h30, il a que 3 segments. Le premier avec une statue en bois d'Indien qui va s'en prendre à une espèce de connard. Et qui va s'occuper de lui à l'Indienne. N'en disons pas plus. Le deuxième, qui est de loin le meilleur segment du film. Le radeau The Raft. Qui est très connu et qui pour le coup... qui est hyper immoral tout en étant hyper gore et enfin qui est pas très drôle pour le coup le radeau c'est hein. Et pour le coup donc le radeau c'est un groupe de 5 ou 6 potes qui vont sur un lac, ils vont juste sur un radeau, où il y a le lot, enfin, pas un radeau genre bateau, plus une espèce de plateforme en bois. Sauf que sur ce lac il y a une espèce de marée noire et qui non disons pas plus en fait il mérite vraiment d'être découvert à 100% ouais. Parce que vraiment ça va loin, mais dans le 2 est encore écrit par King et Romero. Je crois que pas Romero mais King, oui. Ouais, c'est ça. Donc le c'est un peu décarcassé. Et le troisième, l'autostoppeur, qui est sympathique, mais en gros c'est une femme qui fait un hit and run sur un autostoppeur qu'elle a tué. Mm-hmm. Et enfin elle percute quelqu'un, et sauf qu'elle va le recroiser plusieurs fois après. Voilà, à nouveau, et qui, ça pour le coup il mérite. Et King joue encore un rôle dans le 2, je crois. Ah, peut-être. Je suis à peu près sûr de ça. Mais donc, et Creepshow 3, donc que tu as vu, alors Creepshow 3, à savoir... alors, j'ai pas le détail de l'affaire, mais c'est assez frauduleux sur la façon dont ça s'est fait, à base de rachat de licences et de films qui auraient pas du tout dû être Creepshow 3. Mais donc, voilà. Donc, et alors, Creepshow 3, donc, que tu as découvert... Que j'ai découvert hier soir et qui est affreux. Il y a 4 ou 5 segments aussi, mais sur 1h40. Non, il y en a genre 6 ou 7. Oh la va, ok, oui, il y en a beaucoup plus. Sauf qu'en fait, ils sont tous... Ouais, en fait, ils veulent tous en plus se télescoper, genre avoir des liens qui les recoupent. Bah, un peu ce que fait, par exemple, Trick or Treat ou d'autres, quoi. Oui, sauf que là, c'est nul. Non, mais c'est... Est-ce que tu te souviens des segments, quand même? Bah oui, il y a alors ce mec qui vole de la thune, qui vole de la thune à un bac... Il y a une espèce de télécommande qui va faire pourrir une meuf. A noter sur Creepshow aussi, le 2, je suis en train de vérifier, le 1 date de 82, le 2 de 87, le 3 date de 2006. Ah ouais. Bah, les suites tardives, ça sent toujours bon par nature. Ouais. Bah, donc ça suit qui vole du truc à un Mac avec la télécommande. Ouais. T'as pas une histoire de vampire à la con dedans? Il y a un bail de vampire, ouais. Il y a mille histoires, mais qui sont juste nulles. Il y a pareil, alors, il y en a une qui est... vite fait goofy, on va dire, c'est en gros un professeur de fac qui va se marier et mm-hmm. qui invite des anciens élèves à lui pour qu'il rencontre sa future femme. Sauf que, en gros, vu que le professeur, il leur faisait souvent des blagues et qu'il parlait pour projet de créer la femme parfaite, bon, en fait, ils vont juste buter la meuf en pensant que c'est un robot. Voilà, voilà. Pendant que le mec est parti faire des courses. Voilà, voilà, c'est... Non, ne pas voir... Dispensable. C'est le beau. C'est en fait, le fait qu'il dure 1h40 et que tu te fasses plus chier devant que devant Creepshow 1, 2h, ouais, ça en dit long. Ça en dit très très long. Et donc, il y a la série Creepshow, alors toi, t'as vu quelques épisodes? Ouais, par-ci, par-là, ça date, c'était pendant le confinement. Ah oui, donc ça... Mais pour le coup, ça commence à remonter. Ouais, mais... Ah putain, ouais, on se fait vieux. Mais pour le coup, c'est une série qui a son public, mais d'ailleurs, parce que là, on est rendu à la troisième, voire même quatrième saison, si j'ai pas compris. Dans ces eaux-là, oui. La troisième est sortie en Blu-ray en France, mm-hmm. voire même la 4. Mais donc sur Creepshow... Ah oui, à noter, si vous aimez Creepshow, le Darkseid, les contes de la nuit noire, qui est vraiment très sous-estimé, qui est exactement dans cette veine-là. Enfin, vraiment, c'est un authentique plaisir sur... comme film, d'autant plus si on est fan de cette vibe extrêmement années 80, d'autant plus que preuve en est des années 80, c'est qu'on est allé jusqu'à, alors pas à défendre, mais qu'on est allé jusqu'à voir, alors comment ça s'appelait ce truc, recommandé, alors que c'était des films donnés par le public, film tout pourri qui était éclairé comme un porno. comment ça s'appelait avec. C'était pas les Willys? Non. Alors, avec non, John Astin. Non, c'est les 90 ça. Non, les Willys c'était autre chose, même si l'affiche des Willys était super. Oui. Ouais, j'avoue que je me rappelle quasiment que de ça. L'autre, celui qui avait financé la mafia là. Ah putain, Sanitarium ça... Mausoléum. Mausoléum, voilà, Mausoléum. Bon, quelque part on a financé la mafia. Et donc, Mausoléum qui est sorti entre temps, Blu-ray en France d'ailleurs. Oh, trop chouette. Ah, mais quoi qu'il y avait un truc qui était bien dedans, c'était qu'il y avait un personnage qui voit un truc bizarre et qui se barre en courant. Qui est genre la meilleure réaction à avoir. Oui. Ok, on passe au suivant. On peut passer au suivant. Alors juste, les éditions physiques de Creepshow, j'en ai un peu parlé sur Shining, mm-hmm. mais globalement, en France, il n'y a qu'une édition, c'est un DVD qui est rarissime aujourd'hui, qui se trouve que d'occasion pour 40-50 d'euros. J'ai pu le trouver à 8 euros dans un book-off. Bien joué à nouveau. Il y a le Blu-ray US simple qui est trouvable assez facilement. Il mm-hmm. y a plusieurs coffrets américains qui l'ont soit en DVD, soit en Blu-ray. Donc, allez-y. Il y a un coffret Stephen King, Stephen King avec 8 Blu-ray dedans. Vous pouvez y aller parce qu'il y a Shining, il y a ça, il y a la ligne verte, il y a les évadés, donc foncez. Moi j'aimerais un coffret trilogie, Creepshow. Avec le 3, en Blu-ray 4K, si possible. Alors oui, et par contre le 2 a un Blu-ray français. Oui, le 2 a un Blu-ray français qui, je sais pas, qui est très joli d'ailleurs. Qui est magnifique. Alors qu'il y a deux affiches alternatives. Bah, celle que je connais, c'est avec le gros bouquin en premier plan et tous les monstres dessus. C'est ça, oui, avec l'espèce de creep justement qui a le bouquin, oui. Et à nouveau, si vous aimez Creepshow, voyez les contes de la crypte. Vraiment. Le Conte de la Crypte, le Conte de la Nuit Noire. Mmh. Et allez-y. Ouais, parce que ouais, le film à sketch, ça a tendance à se perdre un petit peu aujourd'hui, mais vraiment foncé. Et donc on arrive en 1990, alors adaptation de Misery. Alors Misery, c'est peut-être un des romans les plus connus de Stephen King, et notamment, d'autant plus que là, on arrive vraiment... Alors, je n'en ai pas parlé sur Shining, mais Shining a énormément de points communs avec l'univers Kingien en général. Notamment le fait que le Shining en tant que tel est lié à la tour sombre. Alors, je ne suis loin d'être expert dans les liens potentiels qui existent. Je vous invite à faire vos recherches, mais globalement, tout est plus ou moins connecté. Typiquement, le personnage principal de Misery, donc Paul Sheldon, ses écrits apparaissent dans Dead Zone, si je dis pas de bêtises. Okay. Son journal Inside View apparaît dans plein d'autres trucs. Je crois qu'il apparaît dans Deadfire. Alors, je n'ai plus le souvenir, mais ça pourrait totalement être dans ces eaux-là. Il y a énormément de liens qui existent, et il y a des théories comme quoi l'origine du truc qui va pas chez Annie serait liée à tout ce qu'il y a dans la tour sombre. En fait, il y a des histoires de dimensions et de liens, enfin de liens, enfin de lieux qui servent de liens entre différents univers. L'Overlook en fait partie, bref. Derry dans le Maine. Quoi? Derry dans le Maine en fait partie. Derry, c'est encore autre chose. Enfin, c'est à nouveau la tour sombre. En fait, c'est hyper compliqué. Pour vous donner une idée d'à quel point ça va loin, dans le tome 5, je crois, les personnages viennent dans notre monde, rencontrent Stephen King qui se fait percuter par une voiture. Okay. Et enfin, bref, c'est très compliqué, mais nous n'en disons pas plus. Alors, très rapidement sur Misery, donc c'est adapté du roman Misery. Au casting, alors il y a plusieurs noms, mais on va surtout retenir James Caan. Alors James Caan, Dogville, Thief, Detachment, enfin évidemment le parrain, mais qui a plusieurs rôles, mais il est surtout connu, en tout cas à ma connaissance, pour Misery. Et évidemment la grandiose Kathy Bates, qui est aussi connue pour son rôle dans... alors je sais qu'elle a un rôle dans Titanic. Oui. Voilà. Elle a un rôle dans Titanic, elle joue la mère de Richard Jewell dans le film de Clint Eastwood. Ah, je me rappelle pas de ce petit détail. C'est un rôle ultra touchant. Vous voyez, Richard Jewell, c'est un des meilleurs Eastwood récents. Ouais, mais qui est surtout connu pour Misery. Alors, rapidement, la fiche technique, bon, évidemment, Stephen King. Au scénario, il y a William Goldman. Alors, William Goldman, c'est quelqu'un de très amusant parce qu'il a écrit Misery, super, il a écrit une Princess Bride, encore mieux. Il a écrit Marathon Man, Stepford Wives, des trucs sympas, mais il a aussi rebossé sur une adaptation de Stephen King parce qu'il a écrit Dreamcatcher. Comme quoi, pas toujours dans les bons coups. Et alors, à la photo, on a quelqu'un que j'aime autant qu'il me déteste, qui est Barry Sonnenfeld. Alors, chef opérateur, okay, très compétent, parce qu'il a fait ouais, Miller's Crossing, Blood Simple, quand Harry rencontre Sally, Raising Arizona, des frères Coen. Avec River Phoenix Non, Raising Arizona, c'est avec Nicolas Cage. Ah, ok. Arizona Junior. Mais alors, en réalisation, ouïouïouï. Alors, il a fait la trilogie Men in Black, donc oui. Pourquoi pas sur le premier, personnellement. Et le 3. J'avoue, j'aime pas beaucoup le 3, mais je sais qu'il est plutôt apprécié, mais j'aime pas beaucoup le 3. Évidemment, les deux Family Adams, ça c'est super. Mais alors à côté, alors attention, Wild West. Voilà, Get Shorty avec John Travolta, Hervé, donc je crois que c'est Camping Car en français, avec une blague de 15 minutes sur le caca. Voilà, si ça vous intéresse, on avait parlé dans cette dimension. Ah, il y a un petit peu de ça, sa carrière a touché un pic avec un film dont le nom, enfin une comédie romantique avec Michael J. Fox dont tout le monde se rappelle, qui s'appelle Le Concierge du Bradbury. Voilà, ou alors il y a aussi Nine Lives avec Kevin Spacey dans la peau d'un chat qui miaule. Si ça vous intéresse éventuellement. Voilà, donc, alors, Misery, donc l'histoire, pour faire très court, c'est un auteur reconnu, qui s'appelle Paul Sheldon, ouais, qui a écrit une saga de romans qu'on devine culte, qui s'appelle Misery, mais qui a envie de s'en détacher, qui, dans son dernier manuscrit, va donc la tuer, le personnage, hein. Et un jour, alors qu'il vient terminer son manuscrit et qu'il s'apprête à le rapporter... Il s'apprête à terminer son nouveau roman. Son nouveau roman, pardon. Qui est du coup pas Misery. Voilà, et il prend la route, a un accident, se fait recueillir par une certaine Annie. Annie Wilkes. Ouais. Et, sa fan numéro 1. Sa plus grande fan. Et qui est très très très grande fan de Misery. Et qui... En gros, dans l'idée, c'est une fan de Taylor Swift, hein, dans l'idée. Et qui, en découvrant qu'il a tué Misery dans son dernier ouvrage, va péter un câble, détruire ce qu'il a fait, et lui dire de recommencer. C'est ça. Voilà, globalement. Et à partir de là, alors on n'est pas dans Saw en termes de torture, mais on est quand même à certains extrêmes. Alors, Rob Reiner, c'est pas du tout un nobody. Alors, il a tendance à être un peu oublié parce qu'il est surtout connu pour Princess Bride, Stand By Me, Quand Harry rencontre Sally et Misery. Mais je tiens à remettre en avant deux films qu'il a fait et que j'aimais beaucoup. Alors, Spinal Tap, que j'ai pas revu depuis très longtemps, mais qui dans mes souvenirs était, enfin, que j'avais vraiment beaucoup aimé. Et A Few Good Men, qui s'appelle Des Hommes d'Honneur, je crois en anglais, Okay. enfin en français. Avec Tom Cruise qui est dans un incroyable rôle et Demi Moore et Kevin Bacon et Kiefer Sutherland avant qu'il soit Jack Bauer. Ok. Mais vraiment Rob Reiner très très bon, d'autant plus que Stand By Me alors qui est pas vraiment fantastique donc qui est pas plus ou fantastique ouais, qui est pas on peut pas trop en parler mais qui est vraiment aussi je trouve un incroyable film. Ouais, qui est vraiment super. Mais donc Misery parce que toi tu as découvert pour l'occasion. Non, je le connaissais déjà. Ok, d'accord. My bad. Je l'avais vu à peu près à la même époque que Shining, que Carrie, que Christine, tout ça. J'ai lu le bouquin aussi après d'ailleurs. Et donc, Misery. Il semble que dans le bouquin il y a plusieurs différences, à commencer par la fin qui est beaucoup plus pessimiste dans le roman. Et le fait que voilà, dans le film, à un moment, elle lui défonce les pieds. Bah, dans les romans, elle lui coupe. Enfin, dans le roman, elle lui coupe à la hache. Voilà. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est le contexte d'écriture du roman. Mm-hmm. À savoir que, en gros, quand il l'écrit, Stephen King vient d'écrire un conte pour enfants. Qui s'appelle Les Yeux du Dragon, parce que il a réalisé que sa fille n'avait jamais lu ses livres, parce que tout simplement sa fille était beaucoup trop jeune. Et ne pouvait pas les lire. C'est ça. Et donc il se dit, je vais écrire un roman que ma fille pourra lire. Donc il écrit une fable, un conte pour enfants, fantastique, tout ça, Les Yeux du Dragon. Et alors, ce qui serait aujourd'hui le public Twitter va dire, mais c'est de la merde, mais c'est pas un bouquin d'horreur. Et d'ailleurs, je me demande si c'est pas suite à ça qu'il a pris Richard Bachman dans tout le monde, c'est pas lié. Mais je suis pas sûr. Il y a moyen. Je suis pas sûr. Mais du coup, Misery, c'est le bouquin qu'il fait juste après Les Yeux du Dragon. Qui, ouais, du coup, ce qui est littéralement une transcription de ce qu'il a pu ressentir à ce moment-là. C'est ça. Donc en gros, avec. Tout est contextualisé avec ça. C'est-à-dire que Misery, c'est quoi? C'est un film sur une fan qui ne tolère pas que son auteur préféré parte dans une autre direction. Et qui va le forcer à rester là, à rester cantonné à ce style qu'il ne veut plus faire, ou qu'il ne veut pas tout le temps faire, et qui pense savoir mieux que lui ce qu'il doit faire au final. Et d'autant plus, alors, un détail que je trouve très amusant sur ça, c'est le fait que Annie est toujours présentée, alors c'est évidemment une méchante, oui. Mais elle n'est jamais présentée unilatéralement comme telle, c'est-à-dire qu'elle est toujours un peu instable, un peu gentil quand même, mais en même temps elle te défonce la jambe à la masse. C'est ça. C'est plein de détails comme ça, et le fait qu'elle est toujours extrêmement présente, je sais. Mais tu sais, je suis vraiment ta fan, je suis vraiment là pour toi. C'est vraiment une relation toxique qui va se développer entre les deux et qui prend peu à peu de l'importance, parce qu'au début, ça démarre de façon très cordiale, ma foi. Oui, je t'ai sauvé de l'accident. Voilà, ça se transforme en captivité avant de littéralement virer en relation toxique, et c'est mis en scène de façon, je trouve, extrêmement maîtrisée. Je pense notamment à un champ contre champ que j'aime énormément, c'est le quand elle réalise que il n'y aura plus de Misery, mais qu'elle arrive et qu'elle se plante devant le lit de Sheldon. Ouais. Elle le secoue et la caméra secoue aussi, et tu vois ensuite le plan sur lui qui se fait secouer, et tu comprends qu'en fait elle secoue le lit. Et ça m'a surpris de revoir à quel point c'était extrêmement bien mis en scène, d'autant plus que le film se passe dans trois lieux à tout péter, la chambre, l'escalier, le salon. Ça vire un petit peu à la fin, ça change un petit peu, mais ouais. ça reste extrêmement renfermé comme cadre. Et il y a aussi quelques plans à l'extérieur. Quelques plans à l'extérieur, notamment le shérif qui mène l'enquête sur la disparition de Paul Sheldon. C'est une des grandes différences avec le roman. En fait, dans le roman, c'est vraiment centré sur Paul et Annie, et dans mes souvenirs, on n'en sort pas. Et dans le film, il a décidé de développer un petit peu le shérif. Je pense, j'imagine, pour donner un peu plus de contexte au fait de pourquoi est-ce qu'il va retrouver la trace de Paul Sheldon, d'autant plus que le roman est beaucoup plus déprimant parce que t'as des pensées intérieures de Sheldon qui souffrent vraiment. Et alors, évidemment, on peut pas parler du film sans parler de la prestation monstrueuse de Kathy Bates, qui a eu un Oscar pour oui, ça. Oui, qui a eu un Oscar pour le film, ouais. C'est pas parce qu'on fait de l'horreur qu'on fait des trucs nuls. Mais non, vraiment, qui est sidérante dans le film, en plus d'être absolument terrifiante par instant, c'est elle est vraiment possédée. En fait, moi, en termes de rôle féminin méchant marquant, ça m'a rappelé l'infirmière Rachel. Ouais, de Vol au-dessus d'un nid de coucou. Ouais, alors un peu ça. Je trouve Vol au-dessus d'un nid de coucou un milliard de fois plus efficace. Alors moi, c'est un film qui m'a vraiment traumatisé, donc je suis pas très objectif sur ça. J'ai découvert il y a il y a même pas un an et demi, donc... Ah ouais, le Titanic, ouais. Coucou, ça m'a... Il va pas me marquer jeune, en soi. Je l'ai vu beaucoup trop jeune, beaucoup, beaucoup trop jeune. Mais non, c'est absolument sidérant, et c'est... En plus, ce qui est intéressant avec Misery, le film, c'est à quel point, en s'éloignant de la cruauté du roman, il va aller vers l'ambiguïté qui est entre les deux. Tu sais jamais si Annie est vraiment bienveillante ou pas trop, ou si elle... Tu doutes bien qu'elle a un truc qui tourne pas rond, oui. Mais tu sais jamais à quel point. Et ça, qui, je trouve cette incertitude très très bien vue, en plus d'être ouais. extrêmement bien mise en scène. Ouais, et surtout, ouais, c'est, comme tu dis, cette espèce de bipolarité constante en fait, chez Annie, qui fait que un rien peut la faire switcher. Genre, typiquement, il y a la scène où elle force Paul à réécrire, à écrire du coup une suite à la mort de Misery. Mm-hmm. Et elle dit, bah voilà, j'ai tout installé, t'as la machine à écrire, alors bon, la lettre E marche pas. La lettre N marche pas. N marche pas, ouais. Mais je pourrais les écrire à la main, tiens, je t'ai pris tout ce qu'il fallait, je t'ai pris du papier. Et juste Paul dit, c'est pas le bon papier parce que celui-là il bave. Ouais. Et elle lui défonce les jambes en lui écrasant la machine à écrire dessus. Ça, et surtout, je trouve le film d'autant plus actuel aujourd'hui parce que. Aujourd'hui, bah, on a des styles musicaux très différents, mais si on applique ça à la musique, par exemple, aujourd'hui, moi qui suis plus rock métalleux, je compte pas le nombre de fois où... Où t'avais envie d'éclater les jambes de quelqu'un à la machine à écrire. Ça m'arrive très souvent, ça, notamment dans la rue. Non, mais très sérieusement, et moi le premier, tu vois, lorsqu'un des artistes change de style ou vont vers autre chose, on peut être extrêmement déçu, et je trouve le film d'autant plus pertinent aujourd'hui à l'ère d'Internet où n'importe qui peut donner un avis souvent extrêmement péremptoire sur certaines choses, sur des chemins que vont prendre des artistes, et c'est en ça, d'ailleurs, alors là je vais faire un parallèle un peu motocross, mais c'est cette incapacité plutôt de certains artistes à rester, on va dire, cohérents avec eux-mêmes avant de l'être avec les autres, qui fait que j'aime autant des acteurs comme, je sais pas, Nicolas Cage ou Sean O'Kan. Parce que Nicolas Cage, tu prends sa carrière, alors il a eu des problèmes d'argent, on est sûr, hein, mais c'est avant tout quelqu'un qui va faire un film pour lui. Alors sauf dans les dernières années où j'ai plutôt tendance à remarquer un renoncement justement à ça, mais c'est quelqu'un qui va d'abord faire ce qui lui parle à lui, avant de faire ce qui va parler à d'autres. Et c'est quelque chose à laquelle j'avoue être extrêmement sensible. T'as d'autres auteurs, comme S. Craig Zeller ou Philip Ridley, qui vont aussi suivre ce chemin-là. Et c'est, moi, c'est quelque chose qui me touche beaucoup, et je trouve la mise en scène qu'en fait le film d'autant plus percutante et pertinente. Ouais. Ouais, mais justement, oui, c'est ce côté très, très changeant de Annie, qui fait que tu sais jamais à quoi t'attendre avec elle, et donc t'es en angoisse constante. Pareil, des scènes où l'angoisse est très bien gérée, c'est les scènes où Annie n'est pas là. Mmh. Et où, du coup, Paul explore la maison, échafaude des plans aussi, notamment voler des médicaments, voler un couteau. Ou même quand il réalise que Annie est en fait une espèce de serial killer. Oui. D'ailleurs, dans Gerald's Game, j'ai pas les noms français, ça m'énerve. Mais dans le roman, tu apprends qu'il y a une maternité pas loin. À nouveau, Riverside, je crois que ça s'appelle la région. Mais t'as une maternité pas loin où il y a eu des meurtres d'enfants. Et tu devines dans le terme de lien qu'il peut y avoir. Et donc oui, quand tu réalises que Annie, alors pas forcément une serial killer, quoi que aussi, étant donné, elle a tué plusieurs personnes. Elle tue mais, en tout cas, elle y compris des bébés. Mais en tout cas, qu'elle a un truc qui tourne vraiment bien. Ouais, les bébés, elle les tue par négligence, c'est-à-dire qu'elle est... Elle s'en occupe pas. Ça s'en occupe pas, et en fait, elle tue surtout les personnes qui l'empêchent d'accéder à un stade. C'est-à-dire qu'elle est deuxième de sa promo, elle va tuer la majeure de promo. C'est ça, et c'est... C'est ça qui va... Enfin, je trouve cette scène assez remarquable dans le fait que tu réalises peu à peu avec les coupures de journaux et ça monte, c'est « Ok, elle a tué quelqu'un, mais elle a aussi tué quelqu'un d'autre, mais elle a aussi laissé les bébés, et elle a fait de la prison. » Et c'est... Non, vraiment, c'est... Redoutable. Ouais, et une scène où vraiment j'étais tendu à chaque fois, c'est le dîner. Le dîner aux chandelles. Ah oui, alors je te laisse raconter ça. Donc, Paul Sheldon a accumulé une certaine quantité de médicaments suffisants pour droguer et endormir quelqu'un. Et il a réussi à tous les accumuler. Il les met dans le verre d'Annie quand il lui dit d'aller chercher des bougies. Elle arrive et elle allume la bougie. Et elle renverse le verre. Et c'est ça, en fait, elle... fait tomber la bougie et en voulant la rattraper, elle renverse le verre. Sur la viande, enfin sur la nourriture de Paul Sheldon. Oui, mais surtout du coup, tout son plan qu'il échafaude depuis des semaines tombe à l'eau. Et tu sais pas si c'est volontaire ou pas. Je sais pas, mais dans le jeu de Kathy Bates à ce moment-là, je savais pas si c'était... J'avais l'impression qu'il y avait un truc volontaire parce que... Alors, spoiler, mais il sort assez tôt de la chambre. Il parvient à sortir assez tôt, genre à peu près vers la moitié. Il fait un peu premier tiers, moitié. Et tu réalises qu'elle sait tout de suite qu'il est sorti parce que son petit pingouin qu'elle a changé, Oui. qu'il a fait tomber par mégarde, il l'a remis avec le mauvais angle. Donc elle sait très tôt qu'elle l'a fait tomber. Et du coup, tu sais pas si le fait qu'elle ait fait tomber le verre de vin est volontaire ou pas. Et ça qui est glaçant avec ce film et qui est extrêmement réussi sur ce point-là, c'est vraiment un film où tu ne sais jamais à quoi t'attendre. Ouais, en même temps, tu sais où ça va, mais tu sais pas comment ça y va. Et tu sais pas comment est-ce que ça va. Comment est-ce que ça va twister? Est-ce que ça va bien se passer? Est-ce que ça va pas bien se passer? Tu sais pas trop. D'autant plus que le jeu de James Caan, alors évidemment, Kathy Bates porte le film sur ses épaules, Oui. notamment avec une imitation de cochon merveilleuse. Avec un cochon dans le film qui s'appelle Misery, et le cochon s'appelle effectivement Misery. Ah Dans le ouais? crédit, dans le film, elle est créditée comme Herself. Voilà. Mais. C'est magnifique. N'est-ce pas? Mais et ouais, face à elle, James Caan qui, honnêtement, t'as mal au cœur pour lui. C'est hyper. Avec la scène des pieds qui est devenue culte aujourd'hui, mais Oui. qui fonctionne toujours très bien. Hein, d'ailleurs, dans mes souvenirs, tu voyais les deux se faire détruire. Et en fait, non, il n'y en a que un. Et Et tu sans doute entends le juste la bruit de réaction. l'autre. Ouais, et t'as la réaction. Non, vraiment, c'est un film qui est hyper efficace. En plus, alors, en fait, c'est difficile d'en faire plus d'analyse parce que en fait, c'est un film qui est extrêmement littéral. Sur Oui. ça, sur le rapport que tu, sur le rapport qu'un public peut avoir avec une création et par extension avec son créateur. Et c'est limite un rapport qui est toujours indirect, on va dire. T'as naturellement un rapport qui s'installe quand t'as un lien avec une œuvre, un rapport qui peut être extrêmement bienveillant et bénéfique pour toi. Moi le premier, j'imagine que toi aussi, enfin, plein de gens, quand on est passionné par un art à fortiori, on a forcément des liens émotionnels qui se créent avec certaines Ouais. œuvres et par extension avec leurs créateurs, mais justement il faut pas que ça dépasse cette limite parce que ça peut très vite devenir extrêmement toxique et néfaste pour les deux. C'est ça, Et là ça va le faut. matérialiser de façon très littérale, mais je pense que ça ne fait pas de mal parce que justement ça évite de brouiller. Ça évite, parce que je pense que sur un sujet aussi sensible, ce serait presque malvenu d'avoir un regard. Je vais pas dire détaché, mais d'avoir un regard ambigu. Là où pour moi, le film est, et l'œuvre et le roman par extension, est hyper clair sur le fait que non, tu ne Non. dois pas interférer avec ce que fait un créateur. Et quelque part, je me porte en faux, je me porte à tort là-dessus, parce que typiquement, moi, qui ai longtemps défendu Zack Snyder, un peu moins dernièrement quand même, ne m'entends pas, mais. T'es pas Rebel Moon? Comment? T'es pas Rebel Moon? Ah bah écoute, j'ai vu le premier en director's cut, faut que je voie le deuxième, mais y a plein de sexe et de sang numérique. C'est déjà ça, j'imagine. Il y a quelques images pas mal, mais bon, c'est marrant. J'aurais jamais cru voir une adaptation littérale du roman Starship Troopers, et ben, comme quoi. Et donc, alors, pour finir ma comparaison motocross, lorsque Justice League est sorti, j'étais content de voir la Director's Cut. Mais d'un autre côté, c'est aussi un aveu d'échec de. On corrige les œuvres pour se Ouais. fier au public. Et oui, évidemment, la version sortie est mieux que la version de base. Ok. Mais ce truc de corriger une œuvre, je sais pas, il y a un petit côté réécriture qui me laisse un arrière-goût rance C'est ça, puis et. mine de rien, alors, dans une autre mesure, Sonic. Oui, bah alors oui, et ça peut être pour le mieux, évidemment, hein, à nouveau Sonic, voilà, entre l'original et le nouveau, il n'y a pas photo. Mais, je sais pas, tu sais, si tu fais de la merde, bah fais de la merde, mais. Et tu t'en serviras pour faire un truc mieux Voilà. derrière, Alors mais. pour ceux qui l'ont pas, qui n'ont pas suivi ce qui s'est passé en 2020 au moment L'affaire avec de... Sonic. Voilà. C'est-à-dire que quand la première bande-annonce de Sonic sort fin 2019, il me semble, le design de Sonic est affreux. C'est-à-dire qu'il a des dents humaines, il a des poils, bref, il est ignoble. Et tout le monde gueule sur les réseaux pour dire, mais c'est affreux, genre, faites pas ça. Et deuxième bande-annonce, Sonic a un design beaucoup plus lissé, beaucoup plus animé au final, beaucoup moins anthropomorphisé. Et c'est ce qui a été gardé pour le film, pour le 2, mais ça devait pas être ça. C'est suite à une réaction des fans. Et alors, pour le coup, on va pas me faire croire que Sonic soit un film d'auteur, Non. mais juste, les studios ou les réalisateurs, les scénaristes ne doivent rien au public. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas à prendre l'avis du public en compte. Ben c'est ça qui est d'autant plus gênant, je trouve, avec certains rapports aux œuvres que je peux pas forcément détailler. Mais du coup, je trouve ça hyper bien que le film soit extrêmement clair sur ça. Et d'ailleurs, anecdote, le film a été adapté, je viens de penser, adapté au théâtre avec Bruce Willis dans le rôle masculin. Pourquoi pas? Oui, pourquoi pas. Pourquoi pas? Et alors, sur les éditions physiques, alors là, il devrait y en avoir pas mal. Mais Zuri, il y a du DVD français, du Blu-ray français, c'est trouvable assez facilement. Je crois pas qu'il y ait de steelbook du film. Je ne crois pas non plus. Il y a un steelbook de Shining, il y a plusieurs steelbooks de Shining d'ailleurs, si vous en cherchez. Notamment un qui doit valoir plus de 100 balles aujourd'hui. En gros, il y a eu une vague de steelbooks de films de Kubrick. Donc il y avait eu 2001, Orange Mécanique, Eyes Wide Shut, Shining, Barry Lyndon, Full Metal Jacket. Et Lolita aussi, je crois que c'est tout. Et c'était tous un steelbook noir avec juste un design dessus. Ça c'est classe. Donc c'est assez élégant, je trouve. Ouais, donc pour Barry Lyndon, je crois que c'était La Fleur. Mm-hmm. Pour 2001, c'était Hal. Hal. Pour Shining, ça devait être Les Lâches. Non, pour Shining, c'était La Porte avec Redrum. D'accord. Et donc pour Misery, sur Blu-ray, il y a tout ce que vous voulez. Voilà, il y a pas compliqué. En France, aux US, c'est assez vaste. Ok, on passe sur la deuxième moitié de l'émission. On passe sur la deuxième moitié. Alors, le film sur lequel je pense qu'on va être le plus rapide, Night Flyer. Alors, Night Flyer, c'est quoi? C'est l'histoire d'un vampire qui se déplace en avion. Déjà, j'adore ce pitch. Alors, c'est réalisé par Marc Pavia. Alors, Marc Pavia n'a absolument rien fait d'autre de notable, donc je passe très vite. D'autant plus que le film est globalement... Enfin, il n'y a rien de vrai. Enfin, voilà, bien sûr, je peux dire qu'à la photo, il y a David Connell qui a fait l'Histoire sans fin 2. Okay. Voilà. Et au casting, pareil, il n'y a pas grand monde de connus. Et bon, je ne vais pas risquer. En tout cas, moi, je ne les connaissais pas. Je n'ai pas risqué à donner des noms que je ne. Que, ça se trouve, ils sont connus, je m'en excuse. Oui, mais alors. Typiquement, par exemple, l'actrice, enfin, le rôle féminin principal, je me suis dit, putain, on dirait Phoebe Cates. Tu trouves? Ah, ouais, vite fait. Mais surtout, en fait, je me suis dit, non, mais c'est pas elle. Et surtout, en fait, quand tu réalises que, genre, Gremlins, c'est 84. Et que ça, c'est Night Flyer, c'est 97. Alors, 13 ans plus tard, mais oui, du coup. Bah, sur Night Flyer, en fait, pourquoi est-ce que... Alors, donc rapidement, c'est quoi? C'est un vampire qui se déplace d'aéroport en aéroport avec son petit avion et qui tue des gens et qui va se faire suivre par un journaliste extrêmement peu scrupuleux. Par extrêmement peu scrupuleux, je veux dire saloper des tombes, prendre des photos de cadavres, pousser des témoins à bout pour les prendre en photo, tout ce que vous voulez. Et pourquoi est-ce que j'aime ce film? Alors au-delà du fait que je trouve qu'il a quand même l'audace de garder le côté salopard de son héros, parce que vraiment le héros dans ce film est une grosse merde. Ouais. Il est une belle merde. Hein. Ah, belle, il fait bien. Hein. Mais j'aime bien l'ambiance que dégage ce film. Tu en parlais du côté confortable des années 80. Alors là, sorti en 97. Mais pareil, je retrouve un peu. C'est, alors, ça manque de néons rouges qui sortent des tombes. Ça, c'est vrai. Mais j'aime bien la photo un peu brumeuse. Le pitch est super. En plus, il y a un maquillage de vampire que j'adore. Ouais, j'adore la gueule du vampire. Et je trouve la fin hyper réussie. Avec les morts qui reviennent à la ville, côté vraiment foufou qui se dégage de ça. Alors, c'est pas un grand film, c'est pour ça. Je vais pas passer des heures dessus parce que je vais pas faire croire que c'est un grand film ou que c'est une petite pépite cachée. Ça l'est pas. C'est-à-dire qu'on se fait un peu chier pendant tout le deuxième tiers. Parce qu'en fait, le problème, c'est que le gros problème du film, c'est qu'il out dès le début que c'est un vampire. Genre, dès le début, c'est montré, c'est frontal, hop là, griffure, vampire. Et du coup, tout le cœur du film va reposer sur le fait que le héros. Comment dire. Se renseigne sur le fait que oui, peut-être c'est un vampire, peut-être pas. Parce qu'en fait, quand toi tu publiques, tu le sais, bah. C'est ça, puis. Tu perds un peu, ça, quoi. Ouais, t'as cette espèce d'ambiguïté de. Ouais, il y a des trous. Après, c'est pas des trous très précis, genre, c'est pas typiquement les vrais trous de vampire où c'est genre deux crocs plantés. Non, là, c'est des espèces de grosses blessures bien ouvertes. Ah non, c'est bien, bien dégueu, là. Oui, mais c'est pas un truc très chirurgical comme on retrouve dans les films de vampires avec juste clic, les crocs. Ouais, c'est ça, mais... Mais après, quand tu vois que, genre, il en fout des gens, bah, à ce moment-là, où est l'ambiguïté? Ouais... Elle est partie pêcher. C'est ça, mais je sais pas, c'est vraiment... J'aime bien, moi, je tiens à mettre ce film en avant, parce que il est très oublié, et alors, il est dans l'océan d'adaptations de merde de Stephen King, alors là, Dieu sait qu'il y en a, je pense qu'on pourrait faire une trilogie d'épisodes juste sur les adaptations pourries. Ouais... Bah, là, je trouve celui-ci... T'es pas fait Starter? Comment? T'es pas fait Starter? Ni l'original ni le remake, hein, les deux tout pourris. Mais je sais pas, moi j'aime vraiment beaucoup Night Flyer. Et alors j'entends que c'est globalement plaisir coupable parce que ce que je retiens globalement de Night Flyer, c'est quoi? C'est genre 30 dernières minutes. Mais ouais. Elles sont chouettes, mais elles sont hyper chouettes. Et avec un vampire qui pisse du sang. Oui. Et en plus de ça, j'aime bien le côté vraiment glauque que le film a gardé, donc le fait que le journaliste est une colossale merde, et la fin du film. Alors, elle est différente de la fin du roman. Dans le roman, en fait, alors, je spoil, à la fin du film, le héros arrive dans un aéroport, se retrouve face à une mare de cadavres, enfin, il y a plein de cadavres partout, va à la salle de bain, enfin, aux toilettes pour se nettoyer un peu les mains, se ressaisir, se fait confronter par le Night Flyer, qui s'appelle Dwight Renfield. Oui. Et ça me fait mourir de rire, j'en sais, Dwight Renfield. Dwight est le nom d'un acteur qui a joué Renfield, c'est un vampire. Source, t'inquiète. Donc, et, qui est dans le Dracula original de Todd Browning. Et donc, et donc, il se fait confronter par ce Dwight Renfield qui lui dit « Arrête de me suivre ». il arrête de le suivre, enfin il dit ok j'arrête, mais il demande à voir son visage, et suite à ça, Dwight Reddy doit lui faire boire du sang de vampire, le héros devient fou, se bat avec des visions de cadavres qu'il a, avec notamment une tête qui explose de façon très genre la foire du village. Mais bref, se bat contre les cadavres à la hache, les flics arrivent à l'aéroport, ils le voient juste en train de découper les cadavres à la hache, et ils le tuent. Mais sa collègue journaliste prend une photo de lui et fait une histoire tout aussi sensationnaliste que ce qu'il faisait avant, donc le cycle continue. Dans le roman, le vampire le laisse couvert de sang avec ses photos, tout ça, au milieu des cadavres, et la police arrive. Oui. Et donc tu devines que ça finit globalement pareil. Mais voilà, c'est... Ça m'a fait beaucoup penser à un épisode de Kaamelott. Lequel ? J'ai pas... Alors, c'est un épisode où Léo Dagan explique qu'une fois, quand il était bourré, il avait l'impression de s'être fait attaquer de tous les côtés par des ennemis. Tu sais, je me défendais. En fait, j'étais dans un pâturage, j'ai tué 76 chèvres. Il y a un peu de ça, et en fait, c'est... C'est... Bah, Night Fever, non, pas du tout un grand film, et je vais pas faire croire que ça... Globalement, c'est un solide téléfilm. Mais malgré tout, un film pour lequel j'ai un vrai affect, par son esthétique, par sa créature, juste pour la créature, vous pouvez foncer, parce que le vampire, il a vraiment une gueule de malade dedans. Ouais, c'est mon petit le petit bonbon agréable de l'épisode. Et ouais, bah, globalement, j'ai pas beaucoup varié sur ce que t'as à dire, c'est-à-dire que oui, c'est franchement plaisant à voir. Il y a pour le coup, vraiment, ça a une gueule de téléfilm des 90s, pour le coup, genre, vraiment, moi, il y a eu des relents du sabre original. Quand je l'ai vu. Oui, oui, il y a de ça, alors avec moins d'effets numériques crado quand même. Hein. Oui, oui, oui, mais parce que aussi le sujet c'est pas de moi. Oui. Mais pour le coup, très bon maquillage pour le vampire. Ouais. La photo pareil de la scène de fin, de l'hallucination. Une espèce de noir et blanc un peu sursaturé que je trouve vraiment bien fait. Ouais, ouais, pour le coup, vraiment bien. Et l'intrigue, pour le coup, on est pris assez facilement, même si bah, ça traînasse. Ouais, bah le problème, c'est que dès la scène d'intro, on sait que c'est un vampire. Et d'ailleurs, je viens de penser, le vampire, du coup, de Night Flyer se retrouve dans Popsy, de King, où, qui est une toute petite histoire où il joue le grand-père d'une petite fille. Par contre, je vous parle. C'est pas explicité, mais tu te doutes que c'est lui, il y a beaucoup d'éléments qui jouent sur ça. Ok. Alors, il n'est pas disponible à beaucoup d'endroits en physique, si je dis pas de bêtises. Il a pas de DVD français. Voilà. Il a probablement une VHS parce qu'il a un doublage français. Il a une VHS, je confirme. Il a un doublage français qui est... Faut pas trop en dire, parce que vraiment, celui-là, faut le découvrir, le doublage français. Ouais, mais voyez-le en vous, parce que le doublage français, j'ai essayé. Alors, pour le coup, le seul fichier que j'avais trouvé en français, le doublage était décalé de genre 2 secondes. Et donc, vraiment, tu vois, au début du film, tu vois le mec éclater son manteau sur un canapé, et tu le vois l'éclater, et 2 secondes plus tard, t'as le... Mais il a un DVD US avec une VF, si vous le voulez, donc vous pouvez y aller. Ensuite, c'est moi. Ensuite, c'est moi. Alors, on va parler d'un film qu'on appelle Brouillard tueur en Italie, qu'on appelle Brume au Québec, un brouillard mortel en Lituanie, surnaturel au Mexique, brouillard mystérieux au Portugal, brouillard épais en Slovaquie. La terreur de Stephen King à Taïwan, la brume meurtrière en Turquie ou monstre de brouillard au Vietnam, on parle de The Mist, réalisé par Frank Darabont, sorti... Frank, je suis bien trop sous-estimé alors que j'ai fait des putains de trucs, Darabont. Voilà. Donc, sorti le 9 mai 2007 en Afrique du Sud. Puis le 21 novembre 2007, donc il y a quand même 6 mois qui les séparent, ouais. Aux États-Unis et le 27 février 2008 en France. Mm-hmm. Donc réalisé par Frank Darabont. Alors, Frank Darabont qui... On l'aime tous les deux. Donc Frank Darabont qui est né en France d'ailleurs. Qui n'est pas français. Fils de réfugié politique hongrois. Il est né du coup dans un camp de réfugiés politiques hongrois à Montbéliard. Frank Darabont et la saucisse. Fierté représente. C'est ça, Frank Darabont et la saucisse, il n'y revient pas. Et donc, avant de s'expatrier aux États-Unis et de faire ses études là-bas, il commence d'ailleurs notamment sa carrière en tant qu'assistant plateau, assistant de production et décorateur plateau chez Ken Russell et Charles Band. Oui, donc ça va être pire. Il y a pire comme école. Hein. Il y a pire que Ken Russell, il y a mieux que Charles Band. Oui, mais son premier fait d'armes, ça va être en 87. Avec Freddy 3. Il écrit le scénario de Freddy 3. C'est vrai. Et juste après, en 88, il écrit le scénario du Blob. Et en 89, il écrit le scénario de La Mouche 2. Donc, juste sur 3 ans, tac tac tac, 300 fautes. Voilà. Alors, le Mouche 2 étant moins bien que l'original, mais ça reste malgré tout très chouette, et surtout, ça reste un scénario qui est très solide. Voilà, et surtout après ça, il se fait connaître en tant que réalisateur. Son premier film qu'il fait vraiment connaître, c'est Les Évadés. Je pense que c'est Oui, c'est 94, Thor, 94-95, ouais. qui est un des plus grands films de tous les temps. C'est incroyable. Je l'ai découvert pour le coup il y a 2 jours. C'est incroyable, C'est Les génial, Évadés. c'est Et surtout, génial, c'est un c'est film génial. où tout est à la bonne place, tout résonne, et c'est un film aussi que tu peux analyser sous 14 angles différents, mais en même temps, tu prendras de toute façon une claque émotionnelle à la fin, c'est incroyable. Et je crois qu'encore aujourd'hui, c'est genre reconnu le film préféré des Américains, mais ça, c'est pour des raisons politiques et morales qui, je pense, plaisent beaucoup aux Américains. Ça m'étonne pas qu'ils adorent le film. Ouais. Mais vraiment, et surtout, c'est un film qui fait preuve d'une maîtrise formelle exceptionnelle. Je trouve que la mise en scène des Évadés, c'est fascinant. Ouais. Mais il avait fait un film avant qui s'appelait Buried Alive, que j'ai pas vu, mais qui a très bonne réputation. Ok. Et donc, dans les 90s, il continue sur sa lancée d'adaptation de King dans le milieu carcéral avec la ligne verte. On n'est pas en accord, moi je suis pas le plus gros. Alors je suis promis de le revoir, je suis pas le plus gros fan du film. Mais moi j'adore pour le coup la Toi ligne t'aimes verte. énormément. Moi je trouve ça un peu trop. Alors déjà sur Les Évadés, mais ça me confirme ça sur La Ligne Verte, je trouve ça un peu trop académique. En fait, c'est ça, c'est un de mes gros problèmes avec le film. Ça et le fait que le film me supplie de pleurer. Genre, c'est. Bah oui, je pleure, mais je sais pas. Je me suis promis de le revoir. J'entends, j'entends. Ouais, je me suis promis de le revoir, ne prenez pas ce que je prends pour argent, Je parce que prends j'ai même pas pas un rond. d'Interstellar, typiquement, par exemple. Ah, je comprends aussi, je comprends aussi. Donc La Ligne Verte avec Tom Hanks et Hara. Il y a un rat et Michael Clarke Duncan, évidemment, en John Qui, Café. pour le coup, ça, je peux pas l'attaquer, qui est incroyable. Ouais. Après ça, film ultra sous-estimé, Le Majestic. Majestic que j'ai pas encore vu, lui. Qui est très spécifique, alors qui est à nouveau très académique, mais qui est hyper réconfortant. En fait, je sais pas comment dire, c'est un film qui en même temps, qui est toujours, que je trouve toujours vraiment super, mais qui est très, beaucoup plus réconfortant que ses précédents. Ouais, donc Majestic, le premier vrai rôle dramatique de Jim Carrey. On est 2 ans avant, je crois, Eternal Sunshine. Oui, c'est en 2001. Ouais, c'est ça. 2001-2002, je crois. Et Bah, il y avait déjà eu Truman Show avant, mais. c'est vrai, mais Truman Show, oui, non, c'est vrai. Oui, dans Truman Show, c'est son premier vrai Mais rôle Majestic est oublié, dramatique. et après il y a eu le nombre 23. Mais donc on arrive au. Ce qui, je le dis, je l'aime déjà pour moi, est le chef-d'œuvre de Franck Darabont. Genre vraiment, je trouve ce film exceptionnel. Il est vraiment super. Donc, de quoi ça cause? Donc déjà, donc écrit par Darabont, adapté de King. Adapté d'une des meilleures nouvelles de King, hein, d'ailleurs. Vraiment, la nouvelle Brume, enfin le roman Brume, je sais pas, roman, nouvelle, bref. L'œuvre de base Brume, c'est un putain de morceau aussi. Hein. Et donc de quoi ça cause? Bah, un groupe de personnes qui va juste faire ses courses dans un supermarché, sauf que d'un coup d'un seul, une brume entoure toute la ville et il y a des monstres dedans. Donc les gens de supermarché ne peuvent pas sortir. Et alors, pour le coup, c'est un film de monstres où les monstres sont pas importants. Genre, Ils ont une importance, mais c'est pas ça qui va c'est primer. ça, c'est un prétexte à créer une micro-société au sein de ce supermarché, avec notamment bah, qui va jouer le rôle de leader, qui va jouer. Qui Qui va va. suivre C'est qui? ça. Quelles sont les for quelle force va pouvoir être exercée sur les autres, étant donné que ce que tu as été jusque-là n'a pas d'importance. C'est-à-dire que tu peux avoir été le voisin le plus random du monde ou un militaire, ton passé ne te décrit plus. C'est ça. Et où on va bah, globalement, bah, où la masse va suivre qui parle le plus fort et qui va surtout instrumentaliser la peur Exactement. pour jouer sur ça, Cocorico Oui, avec, avec les oui, bah, élections. oui, bah écoute, on vit dans un pays où le fondateur d'un parti va chanter avec des néo-nazis et n'est pas reconnu comme un néo-nazi lui-même. Non, mais c'est. Mais donc voilà, c'est un film sur comment un groupe d'individus hétéroclites va créer une micro-société au sein d'un Et supermarché. comment cette même société va partir en couille. C'est ça. Et pourquoi ça part en Et comment cette couille? même société va sacrifier des gens pour le bien commun. C'est Très ça. très important. Toi, t'as découvert The Mist? Moi, J'ai je l'avais déjà découvert. vu, et alors, sachant qu'il y a deux versions du film, une couleur et une noir et blanc, et je dois admettre que personnellement, je trouve que la noir et blanc est largement supérieure parce qu'elle corrige ce qui est pour moi le gros défaut du film, enfin, elle corrige, elle l'aide à corriger, les effets visuels qui sont. Alors, ils sont très corrects, à nouveau, on vit à une époque où Ant-Man 3 sort au cinéma, mais ils peuvent être un peu. L'incrustation est un peu bizarre par moment, Ouais, en fait. alors ça s'explique par le budget du film qui est que entre guillemets de 18 millions de dollars. Ouais, ce qui pour les ambitions qu'a Darabont n'est vraiment pas suffisant. C'est ça, c'est-à-dire que. Imaginez qu'on parle. Enfin, en fait, j'ai envie de te dire qu'il faut pas trop en dire sur The Mist, parce que il gagne vraiment à être pris en pleine tête. Ouais. Mais imaginez qu'il veut plus ou moins créer Cthulhu à plusieurs reprises et sous plusieurs formats, le tout en 3D. Donc. Voilà, donc globalement ça a été plus ou moins compliqué de produire le film, c'est-à-dire qu'il y a eu d'abord une boîte de prod qui a dit ok, on produit ton scénario, Franck, mais pour 30 millions de dollars, mais tu changes la fin. Et on, pour le coup, on pourra spoiler la fin parce qu'il faut la spoiler. Enfin, si vous ne l'avez pas vu, je vous en supplie, ne vous faites pas spoiler. On préviendra avant, skipper quelques minutes. Je connaissais vaguement la fin avant de le voir. Donc, moi, je la connais pas. Je la connaissais pas. Et j'étais en mode, enfin, on en parlera quand on y sera dessus. Voilà. Et mais donc, le film, le scénario est racheté par Dimension, donc nos grands amis. Oh, non, je leur donne pas l'heure, hein, je leur donne même pas l'heure. Hein, voilà, donc Bob et Harvey Weinstein, qui disent, ok, on produit ton film. Mais on le fait en couleur. On change pas la fin, par contre, couleur. Sachant que Darabont voulait le faire en noir et blanc. Et ça se sent que le film, j'ai l'impression que ça sent que le film est pensé comme ça, parce qu'il y a plusieurs plans qui rappellent besoin les films de monstres classiques des années 50 notamment, et il y a beaucoup, et j'ai l'impression que le film est construit comme ça, et même la photo du film qui est très très belle, parce que j'ai le nom du chef opérateur sur le film, qui est Ron Schmidt. Ron Schmidt, ouais, qui a été chef op sur... Lord of Illusions, c'est l'autre gros nom qu'il a fait. Lord of Illusions, Walking Dead. Que Darabont a fait par la suite. Voilà, Darabont a réalisé le pilote de Walking Dead. Et il a aussi fait, il a fait la photo de Ghoulies 3. Il a fait la photo de Dark l'Invincible 2. Oh merde! Ghoulies, si vous savez pas ce que c'est Gremlins dans des chiottes, hein, c'est pour ça qu'on en rigole. Et de MNI, mutant non identifié. J'ai envie de voir ce film. C'est une espèce de poulet tueur, l'affiche, vraiment. Oh, ça m'intéresse. Et voilà, mais donc Lords of Illusions, très belle photo, et The Mist, photo mais sublime. Voilà, la photo est superbe, et j'ai l'impression qu'elle est pensée pour le noir et blanc. Parce que je me suis jamais fait la remarque, putain, le film est en couleur. Non, c'est toujours. Enfin, c'est pas comme, à tout hasard, la Justice League de Zack Snyder, où tu vois que le noir et blanc, c'est juste un vieux filtre snap tout pourri qui a été collé, quoi. Voilà, et on parle des qualités techniques. La musique, on a Mark Isham. Mm-hmm. Alors, qui a été compositeur sur Un talent dans Massif, mais aussi sur Judas de Black Messiah, Point Break, Blade. Alors, lequel? L'original. C'est bon. Blade. Oh. Collision. Crash. Ah, ok, d'accord, parce que je connais pas le titre français. Majestic de Darabont. Attends, Collision, le 2001 ou le Cronenberg? Le 2001. Ah merde. Bah, pas bien du coup. Majestic, le thème principal est super. Majestic, le remake de Crisis de Romero. Enfin, le remake du. Celui avec, celui avec Timothy Olyphant. Je crois, oui. Ou encore Bad Lieutenant avec Nick Cage. Escalade Nouvelle-Orléans? L'un des films les plus lunaires que j'ai vu de ma vie, c'est incroyable. Non mais vraiment, t'imagines genre Nicolas Cage, Werner Herzog et des lézards qui font un feat ensemble, c'est trop bien ça, c'est incroyable. Et donc, bah, au cast, on a Thomas Jane dans le rôle principal, donc... Le Punisher. Punisher, Boogie Nights, Peur Bleue, la ligne rouge, par exemple. C'est surtout, bah alors la ligne rouge, il a un petit rôle, mais c'est surtout Peur Bleue, ouais, qui voulait le rôle principal. Ouais. On a Marcia Gay Harden dans le rôle de cette putain de catholique de merde. Qui elle le fait très bien. Elle le fait très bien. Mais... Donc, elle joue dans Mystic River. Elle joue dans 50 nuances de Grey, elle joue la mère de Christian Grey. Yes. Voilà, elle joue dans ce truc qui a l'air absolument affreux, qui est Agent 00. Je me refuse à le regarder. Alors, c'est avec Leslie Nielsen et c'est réalisé par le père Friedberg. Ouais, bah c'est pour ça que je ne veux pas regarder. Et c'est donc le premier scénario écrit par Friedberg et Censor. Et Ne dis pas leur nom trois fois, ils peuvent apparaître. Donc voilà, on a Laurie Holden qui a joué la comtesse rouge dans The Boys. X-Files. C'est surtout dans X-Files. Dans X-Files, on a... Elle joue dans Silent Hill aussi, c'est elle, Sybil. Ah, ok. Sybil Bennett. On a évidemment André Brugger. Les fans de Brooklyn Nine-Nine représentent. Voilà. Même si j'ai pas l'impression qu'il ait une grosse carrière à côté. Je sais qu'il avait joué dans un truc avec... Peut-être qu'il en aurait une bientôt. Non, mais il avait joué... Mais il avait joué dans un truc avec Edward Norton, qui était pas mal. Okay. Mais c'est le seul autre film où c'est le seul film pour lequel je le connais vraiment. Alors, André Brugger, c'est le film qui nous a fait avec ma copine Switch de la VF à la VO. Parce que. C'est pas le bon doubleur. Bah, c'est ça, c'est-à-dire qu'on le connaissait depuis Brooklyn Nine-Nine. On le connaissait de Brooklyn Nine-Nine. Où il est doublé par l'excellent Thierry Neyros, donc entre autres la VF de Samuel L. Jackson. Et on commence le film, la VF du père, du fils et de la mère est vraiment pas dingue. Alors là, André Brugger, qui joue le voisin, débarque et c'est pas sa VF, et on a switch sur la VO directement. Donc à part ça, on a Toby Jones qui joue Arnim Zola dans le MCU, ouais. Et qui joue aussi dans Hunger Games. Jeffrey Dunham qui joue dans Walking Dead, La Ligne Verte, Les Évadés, Majestic. Bah, le Walking Dead, parce que j'ai évoqué ça tout à l'heure, la première saison, la meilleure, a été showrunnée par Darabont. Mais aussi dans Christmas Evil et Le Blob. Comme quoi ? Écrit par Darabont. Mm-hmm. Et on a alors Sam Witwer qui joue... Alors, il y a trois militaires dans le film. Mm-hmm. C'est le principal des trois, c'est celui qui se suicide pas. Celui qui va se faire... sacrifier. Voilà. Voilà. Et alors, Sam Witwer... Alors, vous avez pas souvent vu sa gueule, mais si vous aimez Star Wars, vous avez entendu sa voix. C'est quoi ? C'est qui ? C'est la voix, surtout de Maul dans Clone Wars. Mm-hmm. Il le joue dans son cameo dans Solo. Ok. C'est la voix aussi de Maul dans Rebels. Attends, c'est vrai qu'il fait un cameo dans Solo. Attends, j'ai ouais. Mais c'est aussi Palpatine et Starkiller. Oui ! Dans, oui j'en ai rien à foutre de Star Wars, mais alors les jeux, qu'est-ce que je les aime ! Ah putain, Starkiller, mon dieu, faites un film sur lui, non, n'en faites pas, ne salopez pas, mais qu'est-ce voilà. que j'aime Star Wars. Et accessoirement, il a aussi un petit rôle dans Tales of Halloween, allez écouter l'épisode Halloween d'il y a deux ans. Et donc ouais. D'ailleurs, c'est aussi un film où Stephen King a dit qu'il avait été profondément effrayé par le film. Ah, mais le film fait peur. Et Darabont considère ça comme son plus grand succès, d'ailleurs, bah, parce que King a dit ça. Le film, effectivement, le film est extrêmement marquant parce que il fait peur. C'est, pour moi, c'est le premier film, et du coup le seul, où Darabont s'éloigne de son académisme des films d'avant. Il n'hésite pas à aller vraiment dans le gore qui tâche. Il y a vraiment des scènes assez trash, assez dégueu. Il n'hésite pas à être profondément dérangeant par instant. Jusqu'à cette fin absolument tétanisante. Qui change du roman, d'ailleurs, que des rares fois où King considère qu'elle est meilleure que son roman de base. Alors, est-ce qu'on la out tout de suite ? Spoiler alert. On supplie, ne vous faites pas spoiler. Donc, le héros, sa femme, son fils et deux vieux. Alors, c'est pas sa femme, c'est... Pardon. Alors, tu comprends qu'il a plus ou moins de liaison avec elle. Voilà. Il y a des regards... Cette personne, son fils et deux vieux, partent en voiture, après avoir été plus ou moins mis à la porte par la religieuse, qui voulait sacrifier le gamin, comme quoi. Ouais. Vont traverser la brume en voiture en ayant quelques visions absolument sidérantes. Je pense qu'il y a un de mes... 30 plans préférés du cinéma dans l'ensemble. Alors je ne dis pas ce que c'est, mais une contre-plongée. Une contre-plongée qui peut rappeler le Monsters de Gareth Evans. Voilà. Evans, c'est Dieu. Et donc, bref, la voiture n'a plus d'essence, ils ont un pistolet, et le père va, sur un accord collectif, hein, c'est pas un meurtre, suicider chaque personne dans la voiture, y compris donc son gamin. Lui n'a plus de balles pour se tuer, et il attend une ou deux minutes, et l'armée arrive, et c'est la fin de l'apocalypse. Déjà, il hurle dans sa voiture après avoir fait ça, et ensuite il sort de sa voiture et il hurle pour qu'on vienne le buter. Qu'on vienne le tuer. Pour que des monstres viennent le buter. Mais il n'y a qu'un tank qui apparaît, et c'est l'armée qui arrive, qui a réussi à se débarrasser des monstres, et qui vient aider les derniers survivants. Ouais, et avec notamment ce plan où, en gros, au début du film, quand ils arrivent dans le magasin, et que la brume entoure la ville, entre le magasin, une femme dit « Je dois y aller parce que j'ai laissé mes enfants chez moi, j'ai laissé ma fille de 8 ans surveiller mon fils qui doit en avoir deux. Mm-hmm. Il faut que je rentre. » Et tu la vois dans l'espèce de camion de remorque qui transporte. Ouais. Et le tout sur la musique absolument déchirante, s'il y a des fans de Dark Ambient, voilà. Qui est Host of Seraphim de Dead Can Dance. Et c'est, je pense que dans ma cinéphilie, il y a eu un avant et un après cette fin. Parce que c'est tout bonnement traumatisant. Et c'est absolument terrifiant. Et c'est une fin d'un nihilisme comme on en a vu. Enfin, comme moi, en tout cas, j'en ai vu vraiment très peu. Surtout pour... Parce qu'il y a quand même un blockbuster, en fait. Ce qui est quand même un film mainstream. Et le fait d'avoir osé faire ça. Ouais. Et d'avoir vraiment... Parce qu'à nouveau, c'est plan fixe. 4 coups de feu. Fini. C'est bam, bam, bam, bam. On n'en parle plus. Alors oui, on ne voit pas les meurtres. On voit la voiture de loin et avec les éclats de lumière. Ouais, mais Thomas Jane, pour le coup, qui est pas un acteur que je connais pour beaucoup d'autres rôles, mais qui est déchiré par ce qu'il vient de faire, qui est absolument horrible. Et vraiment, The Mist, c'est un film qui m'impacte beaucoup, déjà par sa radicalité. À nouveau, comme je dis, il n'hésite pas à aller dans le gore qui tâche, il n'hésite pas à vraiment montrer des monstres. Et là où d'autres abrutis seraient juste dans la suggestion, lui... N'hésite pas à vraiment les montrer pour la matérialiser et affirmer qu'il y a une vraie menace, c'est pas juste un truc fantasmé. Ce que fait par exemple la série, très mauvaise série The Mist, ne regardez pas, il n'y a pas eu de saison 2, c'est pas plus mal. Et là, tous les acteurs sont dirigés au cordeau, c'est parfait, impeccable. Et la mise en scène de Darabont est d'une maîtrise que je trouve sidérante. C'est-à-dire qu'il sait aussi bien attendrir qu'inquiéter, que vraiment faire peur. Il y a notamment tout un passage dans une pharmacie avec une espèce d'araignée qui... Ah, si vous êtes arachnophobe, ça peut... ça fait pas du bien. Ouais, d'ailleurs, je crois que l'étagère des bouquins. T'es passionné, t'as déjà un bouquin dans la pharmacie, et je crois que c'est des bouquins de King. Bah, ce serait pas étonnant. Mais Darabont, c'est peut-être un des rares auteurs qui a vraiment su appréhender l'œuvre de King et en faire autre chose, tout en restant extrêmement cohérent avec ses thèmes, parce que je parlais du fait que King est toujours intéressé par les petites gens, mais dans The Mist, on va se retrouver confronté à plein de ses obsessions, c'est-à-dire qu'il y a, cette affection pour les petites gens qui vont façonner l'Amérique et qui vont également servir de miroir à ses névroses, il y a le fait que la peur de l'enfermement, qui ici est littéralement matérialisée par cette espèce de centre commercial qui, en plus, je pense, fait un écho à Zombie de Romero. Il y a cette espèce de peur de l'inconnu. Ouais, mais qui traite pas non plus du consumérisme. Ah non, qui traite pas du consumérisme, mais j'y vois une analogie, personnellement. Bah, cette espèce de fascination pour l'inconnu, le monstrueux, qui ici, et King a toujours eu des liens plus ou moins explicites avec Lovecraft, ici ça a vraiment été explicité, notamment dans le plan dont je parlais, où c'est vraiment une vision qui ne peut être que Lovecraftienne, oui. Et c'est absolument glaçant, enfin, The Mist c'est vraiment, en plus d'être un putain de film d'horreur, c'est un film profondément triste et profondément hanté par la mort et par l'abandon. Enfin, c'est vraiment un film qui n'est pas heureux et qui n'est pas joyeux du tout. D'autant plus que les romans de King se finissent rarement bien. Ils se finissent toujours de façon très amère, mais rarement, tu vois, typiquement la fin de ça. C'est pas. Alors, la fin des films est loin d'être aussi horrible que les livres, mais les livres, tu vois, se finissent à peu près comme dans les films. Voilà, donc le clown est mort, enfin, ça est a priori mort. Dans mes souvenirs, dans le bouquin, c'est très incertain, on va dire. Mais t'as cette espèce d'amertume de oui, on l'a tué, mais ils sont tous traumatisés à vie. Et il y en a un qui est mort. Et il y en a un qui est mort, accessoirement. Il y en a deux qui sont morts. Parce qu'il y en a un qui s'est. Hop là, oui. Voilà. Là où The Mist, ça va oser. C'est pas. Ça va bien. Non, ça se finit putain de mal. Parce que tout le monde est mort. Et techniquement, l'espèce d'hystérique religieuse a gagné. Voilà, voilà. Ouais. Donc toi, t'avais jamais vu The Mist. Comment ça s'est passé? Donc t'as vu ça en noir et blanc ou en couleur? Noir et blanc. Noir et blanc, très bon choix. Sous tes conseils, j'ai vu la version noir et blanc. Et ça a été un vrai choc, pour le coup. Notamment pour le... Alors, je connaissais donc vaguement la fin. Et en fait, j'avais entendu plusieurs échos différents de la fin. Et tu peux pas vraiment y être préparé, je pense. Je pense que même en la connaissant, c'est tellement glacial. Oui, mais juste, j'avais recoupé les infos dans ma tête et j'en avais dit que ça finissait comme ça. Et putain, autant c'est pas pour la fin qui marque que vraiment cette espèce de. Ouais, de taré religieuse qui va du coup se servir de la peur des monstres. Mais je pense même pas consciemment, je pense juste dans sa tête, elle est en mode... Ah bah elle est possédée par le truc, elle se fait passer pour une... Vessel, en français. Le vaisseau. Ouais, voilà, j'ai revu le film plus tard que ce matin, je vous déconseille, à 10h du matin, ça fait pas du bien. Mais elle se dit investie vraiment par une mission divine. Ouais. Et c'est ça qui va d'autant plus... Qui est d'autant plus terrifiant, c'est que tu vois comment ce mécanisme se met en place et va être instrumentalisé, utilisé, porté par cette espèce de folle... Et va trouver une conclusion absolument, absolument terrifiante, en fait, en la personne d'un sacrifice humain, d'abord adulte, et puis volonté de sacrifier un enfant. Ouais, pourquoi? Parce que Dieu lui a dit que... Ah, c'est Dieu. Dieu lui a dit de le faire. La source t'inquiète toujours, hein, c'est... La source, Jeanne d'Arc, hein. Ouais, mais vraiment, c'est... Mais en même temps, ce que je salue dans le film, c'est que le film fait évidemment un commentaire social, mais n'oublie jamais sa part fantastique, avec évidemment cette scène des tentacules qui ouais. Toujours mal à l'aise, la scène des insectes que je trouve il y a un sens du montage dans la scène qui est incroyable, ouais. Avec d'abord une espèce de poésie sombre très délicate en même temps très glauque qui vire complètement, enfin c'est waouh. D'ailleurs, King a déclaré qu'il a eu l'idée du roman en faisant ses courses dans un magasin comme ça. Où t'avais une devanture en verre et il s'est dit qu'est-ce qui se passe si un insecte géant fonce dedans. Ouais, mais c'est plein des. Love the King est souvent parti de concepts comme ça. Et là, pour le coup, je trouve que moi je me demande, c'est pas mon adaptation préférée de King. Avec peut-être Carrie et Dr. Sleep, mais comme j'aime pas le roman de base, j'aurais du mal à dire. Et en fait, et surtout, et là je peux parler, je conclurai sur ça parce que je pourrais parler beaucoup de The Mist, mais on est déjà à 2h, il ne faut pas tarder. Darabont devait adapter Marche ou Crève, donc le roman dont j'ai parlé, et putain, voir le type qui a osé écrire, filmer et sortir la fin de The Mist, adapter cette espèce de modèle de nihilisme qui est Marche ou Crève, je ne peux que pleurer en pensant à ce que ça aurait été. Deviens milliardaire un jour et... Ah oui, non mais il faut... Et demande-lui de le faire. Il faut. Bah en plus, à nouveau, Darabont, il a eu une suite de carrière compliquée. Il a showrunné des séries, mais ça, rien n'a vraiment abouti. Il avait plein de projets qui ne se sont pas faits. Aujourd'hui, je pense qu'il s'est retiré. C'est bien dommage. Donc, voyez The Mist, c'est trop bien. Ne le voyez pas le matin à 10h, c'est déconseillé. Mais vraiment un incroyable film. Et je pense, dernier point dessus, un film qui utilise la musique de Dead Can Dance et son potentiel émotionnel de façon absolument sidérante, parce que toute la scène de fin donne à la fois un côté extrêmement tragique à ce qui va se passer et en même temps presque poétique. Par instant, bref, Darabont est trop fort et j'adorerais qu'il revienne, il me manque beaucoup. On attaque le tout dernier film. Le tout dernier. Motherfucker Movie, 1408. Alors, 1408, c'est quoi? C'est réalisé par Michael Alvstrom. Alors, Michael Alvstrom, c'est quelqu'un qui est capable du meilleur comme du pire. Et c'est dans le pire qu'il est Mais le c'est dans le pire meilleur. qu'il est le meilleur, malheureusement, parce qu'en fait. Alors, il a réalisé 1408, que moi j'aime beaucoup, je vais en parler, mais il a aussi réalisé. Alors, Aïe, Escape Plan avec Schwarzenegger et Stallone. Pitch Mortel, exécution un peu moins. Il a réalisé Le Rite avec Anthony Hopkins. Ouiouioui. Il a réalisé Outside the Wire. Alors, je connais pas le titre français, mais cette espèce de connerie d'action sur Netflix avec Anthony Mackie, qui une espèce de mauvaise adaptation d'un mauvais Call of Duty. Oui. Mais alors, il a un film qu'il a réalisé qui a très bonne réputation, mais que j'ai pas vu, qui est Evil, mais qui est un deuxième truc dans le milieu scolaire. OK. Mais alors donc 1408 c'est quoi? Alors 1408 c'est l'histoire d'un homme joué par John Cusack, je vais y revenir, qui est spécialisé dans le paranormal et dans le débunkage de paranormal, debunking pardon, et qui entend parler de la chambre 1408 dans un hôtel, le Dolphin Hotel à New York, qui se fait confronter par le concierge joué par Samuel Lee Jackson, Le le directeur. directeur pardon, qui le supplie de pas y aller, nanana, nanana. Il y va et à partir de là, il va vivre une heure. Une heure dans le film et une heure pour le spectateur. Alors, le film dure un peu plus d'une heure parce qu'il y a des sides, mais le temps dans la chambre va être une heure. Surtout qu'il y a l'intro, il y a la fin. Voilà. Alors, au casting, donc, comme je dis, il y a surtout deux noms qu'on va retenir. Donc, Samuel L. Jackson, j'ai pas besoin de détailler, je pense. Non. Mais alors, John Cusack, Le célébrateur de Jurassic Park. Oui. John Cusack, alors qui est un acteur que moi j'aime beaucoup, mais qui est aujourd'hui, alors qui a une carrière récente, qui a tendance à se perdre, mais qui est un acteur que j'aime vraiment énormément. Bah, il a joué dans Stand By Me, il a joué dans La Ligne Rouge, il a joué dans Adaptation de Spike Jonze, il a joué dans High Fidelity, il a joué dans 2012. Voilà. Mais bah, récemment, si vous voulez savoir, il a joué dans Le Spa a remonté le temps 2. Donc. Alors, John Cusack, il a la particularité d'avoir une sœur qui a quasiment le même nom. Joan Cusack. Joan Cusack, qui a du coup. joué dans. Alors, son rôle le plus connu. Alors, elle a fait beaucoup de rôles, on l'entend. Je Mais suis son rôle sûr le plus connu, c'est Debbie, la femme de Fétide, dans Voilà. Les Valeurs d'Amy Adams. Mais vraiment, c'est un acteur que j'aime énormément et qui en plus a joué dans mon deuxième titre de film préféré, mais vraiment fuse un film que j'aime beaucoup qui est Minuit dans le jardin du bien et du mal de Clint Eastwood. Ouais. T'as eu pas mal le titre. Hein. Oui. Et donc voilà, bref, John Cusack, qui en plus, je trouve, dans cette version, joue une version pas déconnante d'un cosplay de Nicolas Cage par John Cusack. Genre vraiment, c'est le meilleur film de Nicolas Cage, mais sans Nicolas Cage. Après, globalement, sur la fiche technique, alors il n'y a rien de vraiment passionnant. Le film est écrit par Matt Greenberg et Scott Alexander. Alors, les deux ont participé, alors ils n'ont pas participé ensemble, mais genre, si vous voulez savoir, l'un des deux a participé à H20, Reign of Fire et Le Septième Fils, qui se rappelle du Septième Fils. Voilà. Et l'autre a participé à Ed Wood, cool. Oui. Big Eyes, moins cool. Ou plus oubliable, je l'ai pas vu depuis la salle, je t'avoue. Et à la photo, il y a Benoît Delhomme. Alors. C'est quelqu'un qui est capable de faire des magnifiques photos, comme At Eternity's Gate, le biopic sur Van Gogh avec Willem Ok. Dafoe, ou Theory of Everything, Merveilleuse histoire de temps, Oui. en français, qui est un film que j'aime plutôt bien Le aussi. biopic sur cet ami de Jeffrey Epstein qui est. Stephen Hawking. Okay, ouais. Alors, le 1408, je trouve faut admettre que la photo est globalement assez oubliable, je trouve. Oui. Mais alors, qu'est-ce que j'aime dans 1408? J'aime le fait que le film va jouer. C'est les tableaux sur lesquels il doit jouer. Le côté vraiment enfermement, peur latente et cette espèce de. Comment dire? De folie progressive qui va gagner le personnage. Et je trouve qu'il en sort extrêmement bien. Alors, Michael Alvstrom, c'est pas un auteur, hein, et c'est peu de le dire. Mais c'est un technicien très compétent. Et il va utiliser ça justement pour matérialiser ça en utilisant plein de trucs à nouveau. Alors. Le personnage qui disparaît, la fenêtre qui disparaît, l'eau qui apparaît, le père, nanana, enfin, plein de petits artifices, mais qui vont bien fonctionner pour en faire une espèce de mini Shining, alors vraiment tout petit, hein, tout petit Shining. Mais il va utiliser les mêmes ressorts pour pour créer, je trouve, la même sensation de peur latente. D'autant plus que je trouve que le film arrive à plutôt bien cultiver son mystère jusqu'à la fin. Alors, il y a plein de fins sur le film. Il y en a une, alors, spoiler, là, je spoil à tout va. Il y en a une où le héros s'en sort, mais l'un des fantômes présents dans la chambre 1408, qui est sa fille, sa voix apparaît dans son dictaphone. Bah, parce qu'il l'a enregistré quand il était face à elle dans l'hôtel, dans la chambre, et quand il réécoute les enregistrements. La voix de la fille apparaît. Ouais. Et alors, il y a une fin où lui l'entend, mais pas sa femme, et une fin où sa femme l'entend aussi. Donc, laissant planer de mystère sur est-ce qu'il est toujours dans la chambre ou pas. Ouais. Il y a une fin où il meurt et Samuel L. Jackson arrive à son enterrement et veut donner ses affaires à sa femme refuse et Samuel L. Jackson voit le fantôme de John Cusack. Et il y a une fin où donc, l'hôtel brûle, etc. Et tu vois que dans ce qui reste de la chambre 1408, le fantôme de John Cusack arrive, fume une clope et se barre. Et je trouve que c'est un film de fantôme très efficace, en plus que ça fait assez peur. Enfin, moi, il y a plusieurs scènes qui me font bien sursauter, j'admets tout comment. Le meilleur jumpscare du film. Et c'est en plus, à nouveau, qui arrive à plutôt bien cultiver son mystère, et à nouveau, qui passe une nuit, je trouve qu'il a un sens de la temporalité qui... Enfin, une heure, pardon. Il a un sens de la temporalité qui est hyper intéressant, avec en plus un John Cusack qui est littéralement possédé. Donc ouais, là, c'est un film pour lequel, alors à nouveau, je ne vais pas faire croire que c'est un chef-d'œuvre, mais pour lequel j'ai une vraie affection et que je trouve assez sous-estimé. Bah, pour le coup, moi aussi, c'est-à-dire que, je vais pas revenir sur ce que t'as dit, mais pour compléter un peu, il y a toute la scène avec sa fille, qui est ultra touchante, pour le coup. Oui, bah en fait, elle est morte, oui, et tu devines que c'est plus ou moins la source de leur séparation avec sa femme. C'est ça, c'est-à-dire qu'en gros, leur fille était atteinte d'une maladie très difficilement curable, voire incurable, et en gros, on voit par plusieurs flashbacks que... Pas des flashbacks, mais il revit littéralement son passé. C'est-à-dire que la chambre lui fait revivre pas mal de situations, j'en parle aussi après. Mais en gros, la femme maintient sa fille dans une espèce de bulle d'espoir, en mode « T'inquiète, tu vas t'en sortir », et t'as John Cusack qui est vraiment très terre-à-terre, qui dit « Mais arrête de lui entretenir de ses mensonges, parce que ça n'est pas vrai, et quand elle le réalisera, ça va la détruire. » C'est ça, et d'autant plus. Et pour le coup, John Cusack, qui est vraiment la force émotionnelle du film, a, je trouve, dans le film, un rôle qui n'est vraiment pas évident, qui est du connard très intéressé par pas grand chose d'autre que lui-même, oui. Mais en même temps, quelqu'un qui a vécu vraiment des épreuves assez fortes, et qui, en même temps, a réussi à s'en sortir, et en même temps, rejette totalement ça vers son passé. Et pour moi, il y a une scène qui est. Révèle totalement ça, c'est une double scène où il joue un double rôle qui est le moment où il appelle sa femme par ordinateur, oui. Et tu vois lui qui supplie sa femme de venir l'aider, qui fait « s'il te plaît, enfin, il a besoin d'aide », et en même temps tu vois que l'ordinateur possédé par la chambre ne montre pas du tout ça, il montre un John Cusack qui supplie de venir l'aider, mais on devine avec des intentions bien plus négatives. Non, c'est pas ça. Lui nous dit de pas venir. Oui, lui il dit de pas venir pour pas qu'il rentre dans la chambre, et l'ordinateur dit... Non, viens s'il te plaît, j'ai besoin d'aide. C'est ça, voilà. Et non, c'est vraiment, vraiment assez... Enfin, extrêmement plaisant, et c'est un film que je trouve assez sous-estimé, parce que oui, c'est pas grandiose, d'autant plus que la nouvelle de King de base n'est elle-même pas sa meilleure. Il y a à nouveau toujours des accointances qui se font avec la tour sombre et autres, ne serait-ce qu'avec la redondance du chiffre 13, qui vient de 1408. Mais c'est un film qui cultive un certain mystère et qui, en plus de le faire plutôt bien, amène une certaine amertume sur plusieurs scènes, sur plusieurs passages, et tout ce qui est autour du traumatisme de John Cusack résonne plutôt bien. Et accessoirement, je viens de penser, c'est un film dans lequel John Cusack s'énerve contre son frigo. Et c'est vrai que on n'a pas assez de films où les gens s'énervent contre leur frigo. Nicolas Cage aurait pu faire ça, et donc c'est un excellent film. Voilà. Et pour conclure aussi, c'est un film dont la construction est vraiment très très labyrinthique pour le coup, avec vraiment cette espèce d'enchaînement de scénettes. Encore à la fin, tu sais pas s'il est dans la chambre ou pas. Ça, et surtout, il a vraiment une espèce de construction cauchemardesque où des séquences vont s'enchaîner sans forcément que la précédente ait d'impact sur la suivante. Exactement. Mais où juste, tu vas être baladé comme l'est le spectateur, comme l'est le personnage. Tu vas être la victime de la chambre. Ce que tu vas voir, tu ne sais pas à quoi t'attendre parce que justement, tout est imprévisible. Et c'est ça aussi qui est très réussi dans le film. Et également sur le côté construction labyrinthique, moi ça me rappelle vraiment un autre film, alors, qui est pour moi le chef-d'œuvre de la construction labyrinthique, qui est Abandonné, de Nacho Cerda, donc j'ai pas encore vu. Il faut que je trouve un moyen de le prendre, mais quel putain de film, aussi beaucoup trop sous-estimé. Et voilà, donc qui va littéralement matérialiser cette espèce de labyrinthe à l'écran, avec une espèce de perte temporelle et géographique extrêmement étonnante. Et en plus de ça, le film, enfin Abandonné, c'est pas une chronique d'Abandonné, donc c'est autre chose, mais est une boucle sur lui-même, et c'est quelque chose qui est mindfuck totalement. Mais bref, 1408, très sous-estimé, si vous voulez flipper un bon coup, allez-y, c'est pas du tout un chef-d'œuvre, vraiment pas, mais c'est éminemment sympathique. Et puis bon, on a parlé de The Mist juste avant, donc en fait le problème c'est que n'importe quel film que je pourrais proposer en comparaison de The Mist est naturellement moins bien. Ou même de Shining, accessoirement. Oui, moi, je préfère The Mist. Et au moins, sur The Mist, personne s'est plaint du tournage. Personne n'a été brisé mentalement par le tournage de The Mist. Touché. J'espère. Bref, on a terminé là. On a terminé. A priori, il devrait y avoir un épisode, ne promettons rien, mais on fait tout pour, très bientôt. Et un mois de décembre chargé. Très chargé, vraiment. Bref, restez à l'affût et à la prochaine fois. Merci à tous.